c'est d'abord une culture. Quand on est en DevOps, on prend tout le monde. DevOps et Agile font effectivement partie de la même famille. La virtualisation applicative, c'est très bien. Aujourd'hui, ça nous prend 10 minutes et un café. Ce n'est ni être dev, ni être ops. C'est avant tout de la communication. Ce mouvement DevOps, c'est tout simplement drivé par la communauté et endorsé par les entreprises. J'ai adopté une démarche DevOps. Le développement agile. On a accéléré le déploiement. Ça amène une clarté sur le travail de... Être dans une démarche d'amélioration continue. On se retrouve face à des... Travailler naturellement ensemble, ça donne des résultats concrets. DevOps. L'objectif individuel, ça s'atteint, alors qu'une ambition, ça se partage. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau numéro de DevOps. Alors, nouveau pas tant que ça, puisqu'en fait, on va être dans la suite du podcast sur le cloud souverain qu'on avait déjà fait. Et en fait, on recommence avec les mêmes et un nouveau. Donc, je vais laisser tout le monde se présenter. Cécile ? Alors, Cécile Morange, 21 ans, Ataxia Network, enfin, ex-Ataxia Network, parce que j'ai perdu mon compte Twitter. Je travaille chez Aquarelle, qui est une petite PME où on fait de la colocation, du bar métal et aussi de l'infogérance lampe. Super. Michael ? Donc, Michael Roger. Du coup, maintenant, merci Cécile, je voulais dire mon âge, 39 ans. Je travaille chez Thales et donc du coup, je m'occupe des sujets cloud et en ce moment, je m'occupe pas mal du sujet Sens, donc le cloud de confiance entre Google et Thales. Ça fait sens. Mathieu ? Mathieu Corbin, mcorbin.fr, si vous voulez voir mon blog. Je travaille chez Conto, donc une scale-up française, mais je tiens à préciser que tout ce que je dis n'est pas forcément l'avis de mon employeur. Oui, c'est ça. Non, mais je le répète parce que c'est très important, je pense, de le dire. C'est peut-être le cas aussi des autres, mais clairement, c'est mon cas aussi. Voilà. Et on a un nouveau, c'est pour ça que je le gardais pour la fin. Et du coup, le petit nouveau, donc Thomas, aka Damir, notamment Damir underscore FR sur Twitter et Damir FR pour le blog. Et du coup, moi de mon côté, je suis SRE à Waze. Et nous, globalement, on est un peu le maillon qu'on juge manquant entre les off-cloud et du coup les développeurs. Et on va du coup les aider sur les choix d'architecture et d'utilisation des différents clouds et l'implémentation et le run aussi. Donc on est un peu... une sorte d'API humaine qui permet aux gens de mieux utiliser le cloud et d'être plus efficace. Super. Et donc, pareil que toi, c'est ton avis ne te représente que toi. C'est ça. On est d'accord là, ici. Et d'ailleurs, aussi, on peut se tromper, on peut avoir un avis aujourd'hui qui se changera demain parce que tout ce qu'on dit aujourd'hui est limité à ce qu'on connaît et ce qui existe également. Et moi, donc, Guillaume Letron, je suis freelance et je travaille tout autour des technologies comme Kubernetes, le cloud, le DevOps, etc. etc. Voilà. Je vais faire d'abord un premier retour. On a eu pas mal de choses autour de l'épisode d'avant. Et c'était vraiment assez cool. Donc, l'épisode, il dure 2 heures. On verra cette fois-ci combien de temps il dure, mais... voilà, on va voir déjà comment ça marche. Et on a eu beaucoup de retours sur le fait que peut-être on était un peu trop partie prenante, ou en tout cas on était peut-être un peu trop critique par rapport à toutes les offres Cloud FR, Cloud française. Là, le but, ce qu'on va essayer de se concentrer, c'est plus sur OK. On a parlé donc des appels d'offres, on a parlé donc de notre ressenti sur les offres. Maintenant, on va peut-être essayer de rentrer un peu plus dans le détail, un peu plus rentrer dans pourquoi on pense ça. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait rentrer sur la philosophie des offres et en tout cas sur ce qu'elles proposent technologiquement. Donc d'ailleurs, pour information, j'ai créé un repo sur GitHub dont on va se servir au moins comme base en partie pendant tout le podcast, qui liste un peu les fonctionnalités qu'on peut avoir chez les hyperscalers américains et en tout cas dont on n'est pas sûr qu'elles soient disponibles chez les cloud providers français. Et on va essayer de réfléchir à quel point elles sont nécessaires ou pas, à quel point en tout cas on peut monter une offre et jusqu'à quel niveau en tout cas on peut mettre un projet sur les hyperscalers français, les cloud OVH, Scaleway, etc. Sachant que cette liste n'est pas exhaustive, bien sûr, des gens qui travaillent sur les clouds. Tu n'auras pas à compléter la liste si oui, bien sûr. S'il manque des choses, n'hésitez pas à la compléter, n'hésitez pas à faire des pull requests, tout ça. D'ailleurs, il y a déjà eu des pull requests, donc c'est plutôt cool. D'ailleurs, je vais commencer comme ça. Donc, moi, la liste, au début, je l'ai créée en me basant sur mon expérience chez notamment OHDH, donc le S Data Hub, dans lequel j'ai été un des architectes technologiques dedans, et où clairement j'avais des besoins. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que clairement, c'est des secrets industriels. On ne rentre pas dans les détails là-dedans. Mais quand on est dans une offre de sécurité, il y a un point essentiel. Et d'ailleurs, je crois que c'est le premier que j'ai créé dans la liste quand j'ai créé cette liste. C'est l'IAM. Et donc, j'aimerais que vous me disiez un peu la philosophie de quels sont vos besoins par rapport à ça et à quel point c'est disponible ou pas chez les autres de cloud. Alors, je pense que déjà, IAM. Puis je vais pas, tu peux déjà expliquer vite fait ce que c'est. Pas moi, parce que j'ai parlé assez, mais quelqu'un qui fait du cloud, pas comme moi. Du coup, je vais me tenter à l'exercice, qui est pas l'exercice le plus simple, mais c'est petit nouveau qui s'y colle. IAM, c'est pour Identity and Access Management. Et en gros, c'est le service, en tout cas, c'est la partie sur les off-cloud qui va servir à isoler les différents accès, aussi à donner généralement les différents accès, c'est-à-dire à créer des utilisateurs, à dire quel utilisateur a quel droit, potentiellement créer un système de rôles, ce qui est le plus classique, pour dire, tel type de rôle, par exemple, un dev, il n'aura pas accès aux machines de prod directement en SSH, par exemple, ou voilà, plein de choses comme ça, du coup, qui sont gérées par ce rôle-là. Et ça peut être assez vaste, en fait, parce qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé encore, mais c'est que pour moi, tous ces services et tout, c'est vraiment pas binaire. Et il y a une notion qui va être importante aussi, c'est à partir de quel moment on considère que le service est là. Typiquement, IAM, on peut se dire, si on peut créer des utilisateurs et lui dire un truc très basique, genre, t'as le droit en lecture seule sur tout le truc, c'est une vision de l'IAM qui très simpliste, mais qui existe. Et à contrario, si on prend de l'AWS ou des choses comme ça, IAM est intégré dans les autres services, ce qui fait qu'on peut s'authentifier avec IAM sur des SGBD comme MySQL ou autre. Donc on peut vraiment aller très loin dans la définition d'IAM, et aujourd'hui c'est vachement intégré et c'est réutilisé dans beaucoup d'autres services, d'où le fait que ça soit souvent cité sur Twitter ou autre comme étant un service vital aujourd'hui. Et du coup, c'est quelque chose que vous utilisez au quotidien, qui est très important, je présume, pour faire du Q ou du cloud ou en général manager, quoi. Et lui, je veux quand même rajouter un truc sur ce que tu viens de dire, Thomas, qu'il n'y ait pas de confusion. L'IAM, ça n'est pas que l'identité des personnes. On identifie des personnes, certes, avec la gestion des accès, ça c'est une première partie de l'IAM, mais l'IAM, c'est aussi l'identité et l'authentification des objets cloud entre eux. Ça veut dire que si on doit faire communiquer une VM avec une base de données, le fait qu'on n'ait pas de mot de passe à transiter, de compte, etc., que ces deux objets soient autorisés, ça fait partie de l'IAM. Et l'IAM, il ne faut pas le réduire à la partie exclusivement identité humaine. C'est un aspect de l'IAM, mais pour moi, l'autre est au moins tout aussi important. Ce qui sont souvent les service account dans le cadre des cloud providers. Qui sont souvent appelés les service account. Et souvent, en effet, les service account chez les cloud providers permettent, comme tu dis, d'identifier les objets cloud entre eux, mais même finalement les applications clientes. C'est-à-dire le client développe son application chez lui, mais on n'a pas n'importe quel langage, hein, voilà, dans un langage, je sais pas, Go, Ruby, Java, etc., etc. Et il est possible, généralement, chez beaucoup de cloud providers, de dire, bah voilà, cette application qui tourne dans Kubernetes, par exemple, ou dans d'autres endroits, peut s'authentifier à telle base de données, peut s'authentifier à tel topic Kafka, peut lire tel bucket. Et donc, en fait, la granularité va très loin. Ça peut vraiment être au niveau de l'appli, du process, en fait, au final, qu'on peut en quelque sorte donner des permissions. Et ça, c'est très intéressant, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et pour compléter, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, juste pour compléter, tu as même certains cloud providers, hein, par exemple Google, où tu peux autoriser des flux réseau en fonction de service account que tu utilises. Et donc ça va encore plus loin, c'est-à-dire que ton flux réseau, c'est-à-dire que c'est même plus que l'authentification sur ton application, mais ton flux réseau, en fonction du service account que tu utilises, il est autorisé ou il n'est pas autorisé. Et donc l'IAM, c'est le point central, en fait, au niveau du cloud. C'est ça qui lie les composants entre eux. C'est pour ça que je l'ai listé au début. C'est qu'en fait, c'est un projet central, en fait. C'est vraiment ce qui orchestre toute la vision dont le cloud est fait. C'est que n'importe quel service, et tu l'as dit tout à l'heure, Thomas, c'est qu'il faut en fait une granularité. C'est que si jamais demain, je crée un service et qu'il n'est pas lié à l'IAM, ou en tout cas que les droits qui sont dessus ne sont pas assez fins, en fait, mon IAM ne sert strictement à rien. C'est si jamais j'ai juste le droit de pouvoir créer une base de données ou de supprimer une base de données, ce n'est pas un droit qui, moi, me paraît aujourd'hui assez fin. Si jamais je prends le cas donc, d'applications de sécurité, et le principe des applications réseau c'est ultra important, c'est que je ne veux pas que des flux existent entre des applications qui n'ont pas le droit de le faire et dont les choses n'ont pas été instamment définies. C'est-à-dire que donc, ça peut se faire via des tags, ça peut se faire via des service accounts. C'est vraiment ça en fait qui est principal et qu'aujourd'hui, alors je ne sais pas, peut-être que ça existe, mais en tout cas, quand on compare aux hyperscalers américains, typiquement de l'Azure, parce que c'est là où je connais le mieux, on va pouvoir vraiment lier les applications entre elles en disant telle application a le droit de parler sur tel port à tel autre et ouvrir la connexion ou pas, répondre ou pas, etc. etc. Et ça, c'est une chose que l'IAM va donner parce qu'elle peut définir les flux, enfin les personnes. Et surtout, je voudrais rajouter aussi les applications. L'IAM, ce qui est important, parce que là, on va avoir toute une liste de services. Il y a des éléments sur lesquels on peut se substituer au cloud provider. J'ai une base de données managée qui n'existe pas. Je peux prendre sur moi pour créer mon service de base de données on top des infrastructures du cloud provider. C'est un choix économique. Il y a plein de raisons de le faire ou de ne pas le faire, mais techniquement, on peut le faire. L'IAM, on ne peut pas se substituer au cloud provider. Il n'y a pas d'identité des objets. On ne peut pas créer de service à la place du cloud provider. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent « Si, c'est très facile, je monte un keyclock. » Non, c'est pas de l'IAM, ça. Tu vas monter un keyclock pour ta base d'utilisateur, si tu veux, c'est très rigolo. L'authentification de tes call API de cloud, c'est ton cloud provider. Tu peux rien faire. Tu peux monter tous les keyclocks du monde que tu veux, ça ne changera strictement rien. L'identité de tes objets, c'est la même mayonnaise. C'est un service sur lequel on ne peut pas se substituer au cloud provider. Il n'y a pas d'alternative. Il le propose ou il le propose pas. Et sur ça, je rajouterai une dernière chose très intéressante dans l'IAM, pour moi, également. On a parlé de gestion d'identité, etc., mais c'est tout ce qui est URL pré-signé également. C'est-à-dire que sur la majorité des cloud providers, on a une identité liée à un process, une machine, enfin, quelque chose. Et cette entité est capable de demander donc une URL pré-signée, qui ensuite peut être vérifiée par un acteur, on va dire, externe, de manière très très simple. En fait, ça permet aussi de faire un peu de l'authentification un peu forte, c'est des URL temporaires, etc. on va dire, qui sont valides, je sais pas, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, ça doit pouvoir se configurer généralement chez les clouds. Et ça, c'est aussi très intéressant pour la communication entre services, etc. Le fait de pouvoir utiliser des URL pré-signées pour authentifier des process, et pour simplifier la vérification, c'est vraiment une fonctionnalité intéressante. Moi, j'ai juste une petite question par rapport à la définition de l'IAM, parce que du coup, pour la compléter, moi, il y a un truc que je compte dans l'IAM généralement, mais qui n'est pas forcément dans l'IAM. À titre d'exemple, AWS compte ça comme un service à part, mais pour moi, IAM, au-delà en fait d'être le point central de gestion des accès, c'est aussi un moyen, il doit aussi fournir un moyen de l'auditer et de loguer en fait les actions qui sont faites, parce que c'est un des principes de la sécurité, c'est pouvoir faire qui a fait quelle action, ce qui me paraît vital aujourd'hui. Et il y a beaucoup de cloud providers où ils pensent à faire l'IAM, mais on n'a jamais accès aux logs et on peut pas les auditer, on peut pas les mettre dans un flux sécurisé et dire pour principe de sécurité. Moi par exemple, sur AWS, quand je faisais des choses un peu, j'ai fait beaucoup d'AWS, des choses un peu plus on va dire bien faites pour des questions de sécurité, les logs allaient dans un compte à part AWS qui était restreint aux équipes de sécurité et que en lecture seule, et j'étais sûr que les logs, les logs d'audit des appels API, ils étaient carrés, ils n'avaient pas été altérés. Et là aujourd'hui, c'est un truc qu'on oublie aussi souvent, je trouve, dans l'offre IAM. Alors je sais pas si vous le comptez dans ou vous comptez ça comme un autre service. Il y a une ligne à part. Audit. Mais Ah ok, je savais pas si ça prenait ça en compte, justement, c'est pour ça que parce que potentiellement, tu peux avoir un IAM et pas d'audit. Oui, un audit et pas d'IAM. Non mais c'est tu pourrais, parce que dans l'absolu, en fait, tu pourrais imaginer de ne pas avoir d'IAM, tu pourrais auditer aussi, enfin je veux dire l'API ou des éléments externes, des éléments de service externes. Alors ça sera un peu rigolo de dire un cloud provider qui ne fournit pas d'IAM et qui fournit l'audit sur les services, mais dans l'absolu, techniquement, il n'y a pas de liaison, quoi. Mais c'est vrai que c'est des points en fait dont on va pas penser quand on vient notamment du monde du bar métal, en fait. Quand on vient du monde du bar métal, c'est bien, Cécile qui représente un peu ce monde-là ici. Mais c'est vrai que quand on vient à ce monde-là, on se dit mon PC c'est quoi, c'est une carte réseau, enfin c'est de l'alimentation, une carte réseau, et puis hop, je mets des PC ensemble et puis voilà, ça me fait un cloud, quoi. Un cloud, c'est des PC ensemble. C'est ce truc de le cloud, c'est le PC de quelqu'un d'autre. Sauf qu'en fait, c'est plus que ça, en fait. Et donc là, on va essayer de rentrer dans le détail. C'est que le cloud, c'est pas juste des machines de calcul mises les uns au bout des autres. C'est qu'en fait, il y a plus que ça. Il y a toute la philosophie autour de contrôle et de service qui vient avec. Alors, ça me fait plaisir ce que tu viens de dire. Je veux absolument rebondir dessus. Vas-y. T'as certains cloud providers qui considèrent qu'ils disent qu'ils fournissent du cloud. En fait, ils te vendent de l'infrastructure à la découpe. C'est une première vision, et donc ils te vendent du hardware. T'as des deuxième fois, on peut donner des noms, hein, c'est typiquement ce que fait OVH. Et c'est public, en plus. C'est une boîte qui fait du hardware. Ensuite, historiquement. T'as d'autres comme Clever Cloud qui disent c'est des logiciels. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Le logiciel, c'est-à-dire que c'est un éditeur logiciel et que tu vends ton logiciel, là, ouais, effectivement, tu vends du logiciel. Le cloud, c'est pas du logiciel. Le cloud, c'est t'achètes du service. C'est différent. Alors après, pour délivrer ton service, bien sûr que t'as besoin de hardware et de software, c'est évident. Mais c'est un moyen, c'est pas ça que les gens achètent. Les gens, ils achètent un service. Quand ils achètent une base de données, quand tu consommes une base de données, tu consommes un service de base de données qui fonctionne. Même si c'est un service technique. Pour le faire tourner derrière, tu as besoin de hardware, tu as besoin de software aussi pour interagir et opérer ton système, mais ce que tu achètes, c'est pas ça. Ce que tu achètes, c'est un service. Et ça, c'est important, parce que du coup, selon le fournisseur qu'on va avoir, ils vont avoir un focus sur ce qu'ils considèrent être le cloud. Donc je te dis, typiquement OVH, et je vends de l'infrastructure à la découpe. Après, c'est pas un service, c'est un niveau d'abstraction, en fait, qu'ils vendent. C'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que ils vendent du service, ok, mais ils vendent aussi le niveau d'abstraction qu'ils vont mettre derrière. Soit ça va être de AVM, soit ça va être du bare metal, soit ça va être ça, tu vois. C'est pas géré pareil. Je partage pas tout à fait le point que ça soit qu'un niveau d'abstraction. Pour moi, la différence c'est pas entre. Pas qu'un, voilà, c'est un. Un. La différence entre le service, c'est j'achète quelque chose qui fonctionne, j'achète un usage qui fonctionne dans des conditions définies. Ça, c'est ce que t'achètes un service. Et pour avoir cet usage, là où t'as raison, c'est que tu peux avoir des couches d'abstraction, du logiciel, ouais, etc. Mais c'est des moyens, c'est pas ça que t'achètes. T'achètes ça un dépend. Moyen. Ça dépend. Du YaaS ou du PaaS. Du coup, si t'achètes par exemple du YaaS, tu peux considérer que le service que t'achètes, c'est un service technique qui est une VM. Ça peut être du bare metal, le YaaS. Ça peut être effectivement du bare metal, donc du coup, t'achètes un. Là, pour le coup, effectivement. Non, mais c'est vrai t'arrives, t'arrives à la main. Mais quand tu montes dans les services. Quand t'arrives dans les services SaaS, forcément. Même quand t'achètes du bare metal, t'achètes le service de déploiement, en fait, parce que j'ai pas envie d'avoir un gars qui va dans le data center de chez moi, brancher les câbles, etc. J'achète un service qui est la compétence à savoir faire rapidement et bien. Après, j'ai le droit d'acheter un service nul. Ça vient un service où quand j'achète un bare metal, je l'ai que dans 10 jours. Mais dans ces cas-là, je bosse à EDF, quoi. Tu vois, enfin, c'est un peu ça le truc. C'est 10 jours, t'es gentil. 6 hein. mois, s'il te plaît. Oui, wow, ça doit dépendre des services et ça a dû changer heureusement, mais non. c'est juste de dire que oui, c'est un service en fait qu'on achète dans tous les cas, même quand on vend du bare metal. Parce qu'en fait, j'achète une compétence que je n'ai pas en interne et une compétence que je ne veux pas avoir. C'est pareil que tu t'achètes du PaaS, du YaaS, du SaaS, c'est la même chose. Je veux juste rebondir c'est sur... C'est que t'as pas envie de le gérer toi-même et du coup tu vas l'acheter ailleurs. Voilà, mais le oui. point, mais donc, même de... Mais quelle que soit la mais donc, mais donc il doit être bien fait. Oui. Et donc après, je vais comparer les services entre eux. Oui, ça c'est normal. Mais il y a quand même une chose dans ce que dit Cécile qui est intéressant, c'est que pour moi, il n'y a pas un marché cloud, il y a plusieurs marchés cloud. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des besoins, c'est pas les mêmes. Une entreprise, par exemple, une entreprise où je suis tout seul dans mon entreprise, bah, IAM, globalement, je m'en fous, quoi. Ouais, voilà. Peut-être que j'en aurai besoin dans le futur quand je vais grandir. Attention. Peut-être que, voilà, demain, je serai 2, 3, 10, 20. Pas sécurité au niveau de, des objets cloud, etc. Oui, mais globalement, il y a des entreprises, je me dis, qui peuvent peut-être s'en passer. Peut-être. Sur le bare metal, je connais des entreprises qui ont leur besoin, c'est d'avoir des flottes de serveurs physiques. Voilà. Pour des raisons X ou Y. Et forcément, bah là, peut-être que, en effet, des cloud providers américains ou des choses comme ça, c'est pas forcément la meilleure solution. Donc, il y a quand même des marchés un peu différents, et on pourra parler des clouds français, voilà, même sur le PaaS, etc. Peut-être qu'un cloud est bon, on va dire, et répond aux besoins pour un marché très précis, mais pas pour un autre. Et ça, c'est aussi un truc vraiment à avoir en tête pour moi. Typiquement, mon exemple très simple, c'est une PME qui emploie 3 employés et qui veut un site web pour présenter ce qu'il fait, il n'a pas besoin de Kubernetes. Il va prendre une VM avec 4 VCPU, 8 gigas de RAM, n'importe où, dans n'importe quel pays, ou même Netlify. Mais il a pas besoin d'une VM. Ouais, genre, parce que pour la maintenir après la VM, pour la, il faut qu'il y ait des compétences, etc. Donc c'est un peu compliqué. Mais je pense en vrai. Enfin, Mutu. J'ai 8 sites statiques, perso. C'est gratos en plus. Mais même, tu vois, genre, tu veux du WordPress, bah t'as ThemeCloud. Genre, moi j'héberge. Non mais là, disclaimer. Mais disclaimer, c'est moi. Et c'est pour ça que j'ai dit, moi j'héberge. Mais non, mais ça existe, tu vois. Il y a des gens qui vont héberger un site particulier. Moi, je vends un service qui est un service d'hébergement de site WordPress. Oui, bah moi, tu veux un Mutu avec du HTML à la con, tu vas faire pareil, Mutu à 12 balles par an, fin de l'histoire. Enfin, C'est pas un Mutu, en fait, moi, que je vends. Moi, je vends un service sur WordPress. Je vends une compétence de backup spécialisée WordPress. C'est pas PHP, c'est WordPress. C'est genre, je vends un service qui vient avec. Et de la compétence également. Tu fais du support WordPress ? Ben oui. Ok. Mais pour le coup, pour moi, il y a un truc qui est important de ça, que ça montre bien un problème. C'est pour moi la définition du cloud qui est ultra vague. Oui, et en fait, c'est pour ça, typiquement, j'ai écrit un article il n'y a pas longtemps pour expliquer ce qu'on attendait aujourd'hui d'un cloud fournisseur moderne que j'ai surnommé 2.0. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de mots pour décrire un peu ce qu'on attend aujourd'hui comparé à ce qu'on attendait il y a quelques années. Pour beaucoup, bah, avoir de la VM à la demande et payer à la valeur avec une API, c'est du cloud. Et en soi, est-ce qu'on peut leur donner totalement tort ? Pas forcément. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, ce qu'on attend d'un cloud, c'est des choses assez précises, comme on disait, des services comme IAM, etc., et des services sur étagère. Et pour moi, on devrait avoir un terme ou une manière de distinguer les deux, parce que c'est pas le même marché, comme disait Mathieu. De toute façon, c'est pas les mêmes besoins. Chaque personne aura sa définition du cloud. Mais c'est ça. Mais pour ça, il faudrait qu'on arrive à définir quand même une sorte d'échelle. Moi, j'ai choisi 1.0 et 2.0, parce que c'est les deux évolutions que je vois avec la partie software. Mais c'est pas la même chose. Alors, c'est pas comparable. Juste un truc sur le marché cloud. On se focus beaucoup. Et bon, c'était déjà le cas dans la discussion précédente, dans le podcast précédent, sur l'infrastructure as a service, le platform as a service, etc. Pour moi, le cloud, ça va beaucoup plus loin. Si je regarde un peu ce qui est utilisé aujourd'hui en entreprise autour de moi, et même on va dire, voilà, ce que je vois, ce que j'utilise moi, il y a tout type de services cloud, des services de métriques. Donc New Relic, Datadog, des services de log, Elastic Cloud, Grafana, des services d'intégration continue, de déploiement continu, Terraform Cloud pour de l'application, voilà, la CI/CD aussi, la CI/CD, voilà, etc., etc. Et en fait, Pingdom par exemple pour faire des checks externes, voilà, du monitoring externe, des pager duty pour gérer vos alertes, etc. Et en fait, le cloud aujourd'hui, on parle beaucoup de multi-cloud. D'ailleurs, on pourra en reparler. Mais c'est, pour moi, s'il n'y a pas que finalement l'aspect aujourd'hui infrastructure et plateforme, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, une entreprise, voilà, avec certains besoins tech, elle n'utilise pas qu'un seul cloud provider. Généralement, elle l'utilise beaucoup parce que beaucoup de clouds ont des spécialités, voilà, des spécialisations, log, métrique, alerting, SSO même, voilà, OneLogin, Okta, enfin voilà, des trucs, des choses comme ça. Et ça va beaucoup plus loin pour moi que l'infrastructure as a service, le cloud au final, ou le plateforme as a service. Peut-être et je rebondis d'ailleurs sur certains des commentaires qui sont en direct là, peut-être une chose qui caractérise pour moi le cloud, c'est la manière d'y accéder. C'est le fait qu'on ait une API, en tout cas un moyen d'accès APIisé, simple, programmatique aux ressources dont on a besoin. Et ça, c'est quelque chose de très différent avec le fameux bash où j'étais dans plein de compagnies où accéder à une ressource, c'était ce SSH, faire une ligne de commande, etc. Et donc aller devoir consommer de la ressource de manière très bas niveau aux choses. Alors déjà définis accéder à une ressource, parce que pour moi accéder aux ressources, c'est genre tu te connectes à une VM, t'as accès à ta VM. Non, accéder à une ressource, c'est genre je veux une base de données. Genre littéralement, je veux un MySQL. En fait, les trois quarts du temps, dans le truc classique, c'est je mets SSH sur une machine, je fais sudo apt get install MySQL, je configure mon mycnf point mes couilles, et puis après, si jamais je veux un slave, je suis obligé d'aller sur une nouvelle machine que je pop grâce à un script des familles qui est planqué quelque part. Tu parles de slave, qui fait donc un KVM. Tu parles de serveur SQL. Oui, voilà. C'est pas la même chose mais que oui, une base de données. Mais oui, mais c'est... Oui, mais c'est ça que je veux, en fait. Moi, ce que je veux, c'est une base de données à moi. Je veux pas la partager avec quelqu'un d'autre, d'ailleurs. Je veux qu'elle soit à moi. Et je veux pouvoir mettre des options dedans qui soient simples. Mais surtout, je veux pouvoir demander une base de données, la configurer avec un moyen d'accès programmatique. Et c'est ça, en fait, la définition du cloud que je veux. C'est que je ne veux pas avoir besoin de faire un ticket au support pour avoir quelque chose. Je ne veux pas avoir à appeler quelqu'un et connaître quelqu'un qui va me faire une opération. Je veux avoir un moyen d'accès. Pourquoi ? En plus, tu veux cliquer sur un bouton, quoi. En fait, je veux cliquer sur un bouton ou utiliser une CLI ou utiliser un provider Terraform ou etc., etc. Et pourquoi je veux tout ça ? Parce qu'en fait, c'est la vision unifiée de mon cloud. C'est que n'importe quel outil va me dire exactement ce que j'ai. L'avantage, c'est que ça, je vais pouvoir le donner à une équipe de sécu qui va savoir ce qui est déployé. Donc, elle va pouvoir auditer ce qui est, etc. Et en fait, c'est cette vision unifiée qu'on va avoir dans le cloud provider. Et c'est clairement ça qu'on ne peut pas avoir quand tu me livres une VM. Cette VM-là, si je la donne à une équipe sécu, elle va me faire « Ok, merci, j'ai une VM avec 3 CPU. » Mais elle fait quoi, cette VM ? C'est l'API. Ce que tu viens de décrire, c'est l'APIisation de l'infogérance. Exactement. Oui. Oui. Et je rajouterais peut-être la consommation à l'usage aussi, peut-être. Pour moi, un point important, c'est le paiement à l'usage également pour le cloud. C'est-à-dire qu'on paye à la consommation. Et donc, on n'a pas, je sais pas, c'est pas forcément des choses où on aura, j'achète une VM et je la provisionne, ou un bare metal, je la provisionne pour 3 ans. C'est-à-dire que je peux démarrer quelque chose pour quelques secondes, l'éteindre, et je vais juste payer ce que j'ai consommé. Ça, c'est, pour moi, c'est un point également très important du cloud. C'est la définition que je donnais tout à l'heure. Je parlais d'API, ouais, de paiement à la demande. Mais ça, on en reparlera. On peut en parler. Non, hein, mais c'est marrant sur le Discord, pour ceux qui sont sur le fameux Discord de DevOps. Voilà. On parlait notamment, et c'était déjà le cas en 2017 quand je faisais de l'OVH. Damir, tu pourras sûrement me confirmer, mais quand tu achètes une VM chez OVH au mois, si tu détruis ta VM, en fait, tu payes le mois. C'est-à-dire que tu peux pas en redémarrer une nouvelle. C'est-à-dire que c'est des. Les ressources réservées, quoi. C'est, tu payes ouais, c'est même pas, c'est même pas réservé, c'est que t'es lié à ta ressource. T'achètes ouais, c'est lié VM, à ta ressource. Tu t'achètes pas une VM, tu te maries avec un ID de VM et ta VM. Et c'est même plus que ça. Voilà. C'est-à-dire, c'est encore pire que ça. C'est-à-dire que même si t'achètes, tu commandes une VM on demand, donc facturation à l'heure, par exemple, tu arrêtes ta VM, tu continues à payer, en fait. Ce qui est improbable, en fait, dans le monde du cloud. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, la mentalité d'OVH sur son public cloud, c'est une vente d'infrastructure à la découpe. Et donc, ils t'ont alloué un CPU. Bah, c'est une définition du cloud comme un autre. Comme une autre. Eux, ils ont décidé de faire cette définition, soit. Mais s'ils si le disent clairement. Attends, alors, je ne juge pas. Je dis juste comment c'est fait. Alors, on peut essayer de comparer avec ce qui existe ailleurs. Tu vois, genre, si jamais on voit là-dessus. Donc, je vais te dire, moi, par exemple, comment moi, je gère mon infra. Donc, moi, j'ai en moyenne une cinquantaine de serveurs qui sont alloués. Mais ça va dépendre des heures. Il va y avoir des heures où j'en ai plus parce qu'en fait j'ai un auto-scaling automatique en fonction des nœuds. Parce qu'en fait je vais avoir des sites en trial qui vont être up gratuits pendant quelques heures, etc. Donc en fait je vais avoir une scalabilité, en fait une volatilité de mon nombre de sites assez important. Donc je vais provisionner des nodes et je vais en enlever. Sauf que moi ce que j'achète, j'ai un commitment pour être moins cher parce que clairement Google ils ont besoin d'acheter des machines et ils ont besoin, ils se disent si jamais quelqu'un s'engage, ben ils peuvent acheter plus de machines. Oui. L'engagement que j'ai, il est en CPU. Alors, je sais pas combien il est comptabilisé, ils sont à la minute ou à l'heure, mais en gros, moi, j'achète un pool de CPU. Que ce soit une machine avec 4 CPU, enfin, deux machines avec 4 CPU ou une machine avec 8, ça change rien. J'achète et en plus c'est sur le mois, ça veut dire que si jamais il me reste des crédits et qu'à la fin du mois je défonce, je me mets à allumer toutes les VM, c'est un engagement. Je ne suis pas lié à une ressource matérielle physique. J'ai un engagement, c'est un pool en fait, c'est une sorte de gros pool là-dedans. Et après, je vais piocher, l'avantage, c'est que derrière, moi, je vais pouvoir optimiser mes ressources. C'est-à-dire que justement, même on parle de responsabilité écologique et de toutes ces choses-là, à l'heure actuelle, je ne prends que ce dont j'ai besoin. Bah, ça, c'est un truc ultra important, moi, quand je veux optimiser mes ressources et optimiser ce que je veux faire avec, c'est ultra important. Et d'ailleurs, c'est assez marrant, il y avait le FRNUG où tu étais, où j'ai regardé la table ronde à la fin, et il y avait quelqu'un de Scaleway qui disait Alban, que justement, c'était justement un de leurs problèmes, c'était qu'elle avait d'ailleurs une phrase à un moment où elle disait « Oh là là, moi j'ai été étonné en allant chez Scaleway, c'est à quel point les gens ne savent pas utiliser le cloud, à quel point les gens n'éteignent jamais leur VM. » Oui, clairement. C'était sa phrase exacte. Oui. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, les gens qui sont chez Scaleway et OVH ne font pas du cloud. Ils font du classique comme on fait chez nous, quoi. C'est ça. Ils font du cloud, hein. C'est du PET. Non, ils font du kettle. La VM, quoi. Enfin. Exactement. Oui, voilà. C'est... Le mot, la phrase que tu viens de lire, c'est ils font du PET et non pas du kettle. Bah oui. C'est aussi parce qu'il n'y a pas les fonctionnalités qui sont là pour faire du kettle. On pourra en parler, mais c'est ça. OVH, pour moi, c'est aussi ça. OVH, quoi. Tu veux faire aujourd'hui du kettle. Moi, typiquement, je viens en fait du monde AWS+. Je faisais un peu de cloud public avec français, avec du Scaleway. Mais là, je fais pas mal d'OVH ces derniers temps. Et en fait, truc très con, chez AWS, ça faisait des années que j'avais pu manipuler une VM en fait en objet cloud. Je manipulais des auto-scaling groups, des groupes de VM. Et je veux tant de VM, etc. Et je manipulais jamais, en fait, je me posais jamais la question de je vais créer une VM avec et je vais installer ça dessus. C'était vraiment cette réflexion de groupe. Et en fait, quand on retourne justement chez d'autres fournisseurs qui n'ont pas cette notion-là, t'as pas cette notion de kettle, donc t'es obligé de traiter tes VM une par une, et t'es un peu obligé en fait de faire du kettle, parce que sinon tu dois redéfinir et recréer une couche d'abstraction pour gérer ces notions de groupe, etc. Et ça, très peu de gens vont le faire, parce que c'est pas rentable. Si tu le veux, tu vas autre part. Tu vas pas chez... J'irai même plus loin, moi en fait c'est très rare que je vais SSH sur une VM, tout simplement. T'as pas besoin. Ouais. Tu fais du service. Voilà. Alors que d'autres personnes auraient besoin de faire du bare metal ou de la VM. Comme moi, tu vois, c'est mon cœur de métier, tu vois. C'est très très rare que je fasse un SSH. C'est exceptionnel. C'est des services un peu, pénibles à gérer, entre guillemets, qu'on aimerait bien se débarrasser un jour. Enfin, que j'aimerais bien, du moins, parce que c'est moi qui les gère. Mais c'est très rare. Enfin, je veux dire, on est à un niveau d'abstraction totalement différent de ce que. Tu es dans l'abstrait, tu n'es plus dans On pourra reparler de Kubernetes, mais c'est un niveau. Tu ne touches même plus du virtuel ou du. Et c'est ça qu'on paye, je veux dire, c'est ça que moi je suis prêt à payer pour ça. C'est abstrait du coup. Oui, c'est ça. Mais justement, tu vois, je me rends compte que là on commence la discussion, de manière peut-être un petit peu décousue, même si on avait commencé par l'identité. Et en fait, je suis en train de me dire, on a peut-être oublié la base de la base, l'élément, et notamment, je pense que je suis. Surpris que Cécile n'ait pas levé le point, on n'avait pas commencé par discuter de l'infrastructure et du design de l'infrastructure. Et ça, mine de rien, c'est un point super important, parce qu'aujourd'hui, le concept de région avec le concept de zone de disponibilité, bah, il n'est pas présent partout. Alors, certains vont même te le vendre avec deux zones de disponibilité, ce qui est une absurdité totale, puisque deux zones de disponibilité ou un, c'est la même chose. Les mécanismes de quorum, problématique de split brain, t'en es deux ou un, c'est pareil. Déjà, genre, plus bas que ça, avoir un réseau qui tient, pour commencer, et des machines qui tiennent. Du L1 et du L2 déjà sur l'infrastructure des data centers, déjà le premier point. Data center en bois, leur localisation. C'est intéressant parce qu'avoir un data center qui tient avec des bonnes clims, avec de la redondance électrique et pas juste brancher au fin fond de ton bureau. La plupart des cloud providers, même les autres, utilisent des data centers qui sont déjà faits. Donc pourquoi pas maintenant il y a des notions qui sont importantes et qu'il faut pas négliger, et je pense que malheureusement on les néglige un peu ou on oublie rapidement pourquoi elles existent. Il y a une semaine ou 10 jours, on enregistre le 21 septembre, donc c'était, on va dire, qu'il y a une dizaine de jours, je ne sais pas quand est-ce que ça sera diffusé. Tiens à préciser. Il y a une dizaine de jours, OVH, en grande pompe, inaugure Strasbourg 5. Oui, exact. Génial. Super. Avec toute la politique, tout ça. On oublie. Maintenant, ce que je ne comprends pas, la politique, c'est la politique, mais d'un point de vue technique, c'est un non-sens technique. On ne crée pas... Ils peuvent créer, s'ils ont un problème capacitif, ils étendent Strasbourg, pourquoi pas, ils peuvent créer Strasbourg 5, mais ça ne résout pas le problème de fond qui est que pourquoi on crée des régions cloud et des multi-ASI. Parce qu'on veut que ça soit des data centers qui soient suffisamment proches pour pas avoir de problème de performance et de latence, mais on veut que ça soit suffisamment loin pour être sur, et c'est ça le mot important, des profils de risque différents. Si je prends l'illustration de Strasbourg, c'est sur le Rhin. Vous m'expliquez que si le Rhin monte de niveau, pour une raison quelconque, je parle même pas de l'incendie, hein. Je vais même pas parler de l'incendie de Strasbourg. Hein. Je parlais si le Rhin... T'en as parlé, ça y est. Toutes les salles, elles sont noyées. Donc le profil de risque... Alors toutes, le rez-de-chaussée au moins. Donc les onduleurs mais et donc... Non mais risque. Donc toutes oui, les donc. Salles. Oui. Si elles sont noyées, il n'y a pas le feu. Strasbourg 1, Strasbourg 2, Strasbourg 3, Strasbourg 4, Strasbourg 5, tout est noyé. C'est ce qui manquait. Et pourquoi ? Pourquoi du coup on crée des profils de risque différents ? Parce que ce risque inondation, ça veut dire qu'il n'est pas traité dans ce cas-là. Que tu sois à Strasbourg 1, 2, 3, 4, 5, c'est le même risque. Le principe, c'est de s'éloigner pour avoir des profils de risque différents. Donc, le risque inondation, il existe à Strasbourg. Mais pas Roubaix. Nil, mais pas Roubaix, mais c'est pas une région. C'est beaucoup trop loin. Donc, le principe de la région cloud, il est construit pour ça. Et c'est pas... Quand t'as Paris, en fait, dans un cloud provider, tu vas à Paris A, B, C. Exactement. Oui. Et en fait genre, tu sais pas où est-ce qu'ils sont. En gros, il y a entre 15 et 40 km en termes de fibre, pour que, sans répéteur, pour que le but, ça soit que... T'as une latence extrêmement faible, comme si t'étais très proche. Mais par contre, ça serait profil de risque différent. Donc, on prend l'inondation, il y en a un qui est inondé, la Seine s'inonde avec un méga incendie partout. Ah, par contre, ça marche pas sur la PRA. Parce que la PRA, les recommandations, c'est 300 km. Alors, tout à fait, la PRA, c'est autre chose. Mais parce qu'on le fait dans une autre région. Exactement. Oui. La PRA, tu le fais dans une autre région, et du coup, c'est plus de 300 km. Non, mais pour revenir à la base. Quand tu inaugures Strasbourg 5 pour te dire j'étends ma région, tu n'as pas de région, en fait. Oui. T'as un data center, tu rajoutes un bâtiment, tu rajoutes une salle. Tu sais que TH3, t'es là où ils ont fait pareil, ils ouvrent un nouveau campus à TH3, où ils avaient manié les hameaux depuis... Tout à fait, parce qu'ils traitent du capacitif. Oui. Et si Strasbourg, c'est pour traiter du capacitif, c'est très bien, mais c'est pas le message de com qui est fait. Oui. Et il faut juste reposer les choses et expliquer pourquoi on le fait. Et que ce concept de région, c'est pas je mets des numéros sur mes bâtiments et je dis j'ai ABC. Non, il y a une logique technique derrière. Bien sûr. Il y a des ABAC, c'est fait pour des raisons précises, avec des adductions électriques différentes, des adductions réseau différentes, des profils de risque différents. Et c'est pas fait pour rien, en fait. Et après, par contre, c'est ce que fait Scaleway de mémoire. Scaleway, ils ont trois zones. Scaleway, ils le font très bien. Ils sont sur trois zones dans Paris qui est dans le. J'en ai visité deux des trois DC. Et il y en a une qui est vraiment dans le sud, l'autre qui est en nord de la région. DC2, DC3 qui sont à côté, DC4 qui est dans Paris et DC5 qui est bien loin. Et donc, pour le coup, si on rajoutait cette ligne-là sur Data Center, Scaleway a vraiment compris la notion de région et le font très bien. Mais pour le coup, effectivement. OVH, je pense que ce problème, c'est même pas de l'implémentation, c'est qu'ils en ont pas conscience. Moi, en ce moment, en fait, j'écris un article de thèse sur OVH et j'essaie de reprendre de zéro, comme si j'avais jamais utilisé OpenStack. Petit lapsus révélateur. Comme si j'avais jamais utilisé OpenStack. <OVH de base. rire> Et en fait, je me rends compte dans la documentation qu'à aucun moment, ils te parlent de cette notion de comment sont architecturés les data centers, comment ça se passe quand tu fais une application qui soit hautement disponible. Et pour ça, je pense que c'est même pas dans la doc. Donc pour eux, c'est abstrait, en fait. Ben, tu vois, toutes ces notions-là, ils les ont loupées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, encore une fois, ce que vend OVH, c'est de l'infrastructure à la découpe. Oui. Et donc, tu veux une baie, tu veux un serveur, tu veux un bout de serveur, je te le vends. Enfin, même ça, avoir des serveurs dans différentes régions, je trouve ça important. Ou dans une seule région pour éviter la latence. Dans différentes régions, tu peux tout à fait le faire. Oui, mais dans une seule et même région, mais séparée, je trouve ça aussi important. Ah, mais moi, je suis tout à fait d'accord. Hein. Mais bah, après, s'ils n'ont pas compris, bah, si c'est dommage, quoi. Enfin... Et si on parle de la côté réseau, parce que là, en fait, donc là, on a parlé de l'infrastructure. Très vite, on arrive au réseau. Exactement. Parce qu'en fait, on a parlé de latence. Donc, en fait, vraiment, le réseau, il est lié à la manière dont on construit. Qu'est-ce qu'on peut dire du réseau chez les cloud providers ? Tu veux parler de BGP, s'il te plaît ? Tu veux vraiment que je parle de BGP ? Je vais pas dire. Parle de BGP. Hein, c'est... Après, c'est... D'avoir qu'une seule S. Alors, ça dépend des cas, mais... non, après, en fait, tu vois, le réseau, ça dépend de comment est construite ta boîte historiquement, enfin tu vois, c'est le réseau. Oui, mais, c'est, oui, mais c'est moi si histoire. Jamais je vais chez OVH ou chez Scaleway ou n'importe qui, je m'en fous de savoir son histoire. Moi, je veux savoir, genre, si jamais je vais chez eux, est-ce que mon réseau il fonctionne. Après, tu vois, sachant que c'est cool d'avoir une VM chez eux, mais si jamais elle est pas accessible, c'est dommage. Je m'en fous. Enfin, genre, pour avoir travaillé chez CloudWatt, où clairement le réseau ça a été painful pendant bien un an, deux ans, le réseau c'est important. Genre, c'est la chose qu'on a appris, nous, clairement. Alors, déjà, tu vois, il faut distinguer deux choses, et on en parlait en off tout à l'heure, c'est tu as le réseau public. Donc, comment tu vas accéder à ton site web ou whatever qui est hébergé chez Scaleway ou n'importe quel provider, et ton réseau privé où tu vas interconnecter tes VM ou faire du management dessus ou, tu vois, faire tous les trucs qui ne sont pas censés être en public. Genre, du Kubernetes, tu n'as pas le manager en public, je présume. Enfin, tu peux peut-être l'exposer en public, mais par contre, effectivement, si t'as une base de données, en général, tu vas la mettre sur un réseau privé. Et... Oui, voilà, c'est ça l'idée. Mais, c'est ça, mais c'est en effet tout ce dont on a besoin. Mais même, j'ai besoin d'identifier les flux, enfin, genre de les filtrer. De les router entre deux réseaux. De les router entre deux réseaux. Genre, parce qu'on a parlé des régions. Très bien, ok, ouais. Cool, j'ai des régions. Je veux avoir du réseau qui passe entre les deux. Et puis, je veux savoir où est-ce qu'il passe. Je veux pas tout mettre tous mes œufs dans le même panier. Parce qu'en fait, j'ai en effet des profils différents de risque. Même au sein de ma propre infrastructure, je vais avoir des profils de risque différents. Pourtant, j'ai envie qu'ils communiquent entre eux. Pas par l'extérieur. Pas en passant par Internet. Alors moi, maintenant, plus le temps passe et plus je me rends compte que le réseau, c'est le nerf de la guerre. Et c'est le truc qui fait. Pour moi, c'est le produit qui manque chez les cloud providers français, notamment, parce que c'est un peu le sujet de ce podcast. C'est-à-dire que le réseau. C'est vraiment le truc. Enfin, moi, limite, j'aurais un cloud avec juste du réseau, mais alors vraiment du réseau parfait. On pourra revenir, c'est quoi le réseau parfait ? Et des machines virtuelles, je serais content. Parce que c'est un gros problème que je vois, moi, aujourd'hui. C'est en effet l'interconnexion entre des comptes, par exemple, utilisateurs ou des choses comme ça, des NAT gateway, du réseau privé, tout simplement du réseau privé. Il y a des cloud providers en France qui ne proposent pas de réseau privé. Donc, c'est-à-dire, du moment que vous avez deux services qui doivent communiquer, bah, ce cloud provider ne peut pas être utilisé. Donc, c'est-à-dire 99,99% des besoins. Et ça, c'est un vrai problème. Et ça, on s'en rend compte sur tous les clouds français. Le réseau est un problème. Vous allez sur Scaleway, l'offre Kubernetes ne supporte pas les réseaux privés. Donc, vous n'avez pas de support des security groups. Donc, pas de support du firewalling. Ça, c'est le cas chez d'autres cloud providers également. Le Verac d'OVH, on pourra en reparler. À gérer, c'est pas marrant. Et en fait, c'est un vrai problème parce que les clouds vont sortir des produits. Des bases de données, des clusters Kubernetes ou d'autres produits de ce type, et en fait, ils vont dire, bah voilà, on a le produit, par contre... T'as un service, mais tu peux pas les connecter entre eux. Exactement, c'est, j'ai pas le réseau. Donc en gros, ton service, il est exposé sur Internet, ou bien, voilà, il faut faire des incantations, enfin voilà, c'est des trucs incompréhensibles, ou bien il n'y a pas de sécurité, c'est-à-dire il n'y a pas d'identification de flux, il n'y a pas de règles de forwarding possible. Et ça, c'est un vrai problème, c'est-à-dire, limite, moi, on me donnerait du réseau as a service avec des instances, je serais beaucoup plus content que les clouds français qu'on a actuellement, c'est-à-dire moi je veux du réseau, mettez du réseau partout, mettez du firewalling, mettez du mesh, mettez tout ce que vous voulez, mais il faut du réseau, il faut de la sécurité. Avec ça, de la COS, et s'il vous plaît. Voilà, la qualité de service, etc. Et s'il vous plaît, là, je vous en supplie, chiffrez vos flux réseau. Transit. Ouais, non, mais en plus de chiffrer à trust, on en discutera. C'est le réseau, c'est inconcevable. C'est inconcevable que les réseaux soient pas chiffrés nativement. Enfin, je ne comprends même pas comment on peut être cloud provider et ne pas chiffrer une transit. Alors, vas-y, essaie de nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire de ne pas chiffrer, quels sont les impacts et pourquoi il faut le faire. Parce qu'en fait, c'est quelque chose auquel alors, on peut se dire à l'état de l'art en plus. Ouais. Mais c'est important en fait là-dedans, puisqu'on l'a vu sur le chiffrement. Alors, on n'en a pas parlé encore, mais des disques. Voilà. Ouais. Mais là, déjà, juste sur. Non, mais le chiffrement, c'est un ensemble. C'est-à-dire que. Ça fait sens si tu le fais sur l'ensemble de la chaîne. Si tu dis je chiffre que à Trest mais que t'as pas chiffré une transit, bah, t'as traité qu'une partie du problème. Donc, le chiffrement, en fait, c'est un sujet qui doit être adressé. Et quand je dis à l'état de l'art, qui doit être adressé, en fait, au global. Mais justement, et pas fait n'importe comment. Mais en fait, parce que souvent, quand on réfléchit à la sécurité, au chiffrement, etc., on se dit, ah là là, je veux pas qu'il y ait un hacker au milieu des internets qui va me prendre mes données. Mais en fait, quand on réfléchit à des profils de risque, et typiquement quand on gère des données extrêmement sensibles comme des données de santé, on doit même se protéger du cloud provider lui-même. Du cloud provider lui-même et en fait de ses sous-traitants. Parce que par exemple, souvent, tu as des châssis DWDM, c'est des trucs assez spécifiques et c'est rarement toi qui les opères toi-même. En général, Alors, si. C'est très bien, mais très souvent en tous les cas. C'est très bien que tu le fasses, mais enfin, très souvent, tu as un contrat en fait, qui te... sur lequel tu loues châssis DWDM et ça prend le support. Bah, après, le DWDM, c'est que du passif. Hein. C'est des photons qui font tout à fait. Voilà, fin, c'est tout à fait que du passif. Maintenant, qu'est-ce qui te garde que celui qui opère ton système, il fait pas un livret qui va copier. Quand tu l'opères, mais crois-moi, c'est loin d'être le cas de... De tout le monde, vraiment ? Ah oui, c'est très très loin d'être le cas. Il y a juste à brancher des optiques, c'est facile. Écoute, en tous les cas, c'est très très loin d'être le cas de tout le monde. C'est ouais. Souvent parti d'un contrat, et à ce moment-là, on peut prendre le routeur opérateur, oui. on peut remonter à n'importe quel... le réseau, quoi, en général. À un moment donné, tu as des éléments qui ne sont pas à ta main. Et ces éléments qui ne sont pas à ta main, tu ne sais pas du tout comment ils vont être opérés. Et tu sais pas ce qui va se passer. Je sais pas si vous avez suivi il y a... On n'a pas trop eu de suite de ça, mais il y a un an et demi, quelque chose comme ça, il y a eu des coupures réseau très ciblées dans Paris, dans des points de présence. Les cyberflats, oui. Exactement. Et donc ça n'a pas été fait par hasard, en fait. Et non, donc tu te dis, là, c'était fait dans l'acte de malveillance, mais quelqu'un qui serait venu pomper la donnée à cet endroit-là, si ton trafic il n'est pas chiffré, il récupère tout. En fait. Parce qu'on se revient qu'on a des zones de disponibilité qui sont éloignées. Donc moi, ça se trouve, je reste dans la même zone, mais mon flux, il passe quelque part dans Paris pour rejoindre un autre data center. Après, elle a interprété des photons, je te laisse faire. Ah non, mais alors, il existe. Oui, je sais que ça existe. C'est, c'est même générique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des systèmes qui... peut-être qu'il y a quelques années, c'était des systèmes qui étaient, on va dire, qui nécessitaient des moyens étatiques pour être utilisés. Ouais. C'est plus le cas du tout aujourd'hui. Oui. Donc, il faut quand même en avoir envie. Quoi. Là, on va très très loin. Mais pour revenir vraiment sur la base, moi, ce que je veux, c'est juste, quand je démarre un service chez un cloud provider, je veux que pas... Que t'es Internet, quoi. Non, mais voilà, en gros, même, ou bien que le truc soit pas exposé sur Internet. Je démarre un cluster Kubernetes, mais je veux pas Kubelet sur Internet. Mais c'est ton premier besoin, mais tu vois, genre... Mon premier besoin. Oui, mais le besoin, il va être très différent, tu vois, si on parle, par exemple, du HDH. Oui, voilà, du HDH. Le HDH, pour vous dire, hein, c'est donc... les recommandations, en fait, je vais pas du tout vous donner la technologie de qu'est-ce qui est utilisé. Je vais donner les recommandations, ou en tout cas, ce qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est qu'aucune machine ne puisse envoyer un octet sur Internet. Mais à n'importe quel endroit, d'ailleurs. Il ne faut qu'il y ait absolument rien qui sorte. C'est-à-dire que donc, la machine, elle ne peut pas avoir une IP publique. C'est interdit. Elle ne peut même pas pouvoir envoyer. Même si elle parle en interne, tous les flux avec lesquels elle va pouvoir parler doivent être connus. Si même elle fait une requête DNS, parce que c'est des octets qui passent pour faire une requête DNS, ces requêtes-là doivent être tracées, elles doivent être autorisées. Ça veut dire que même faire une requête sur un nom de domaine, on sait très bien qu'on peut faire du tunneling DNS, c'est donc que ça doit être capté. Le problème, c'est que pour faire tout ça, il faut donc avoir accès déjà à un niveau de service qui soit extrêmement important. C'est comment je filtre, comment je peux mettre un firewall pour même moi-même avoir mes propres outils de firewalling à l'intérieur de mon infrastructure. C'est genre, je dois même me protéger des outils de firewall de mon cloud provider qui peuvent être buggés à un moment. Je peux mettre des routes qui à un moment ne vont plus marcher. Oui, la défense en profondeur. Exactement. Non, mais c'est la défense en profondeur. Si tu veux ce niveau de sécurité, tu loues une baie, tu prends tes propres machines, tu es sécurisé toi-même. Mais j'ai clairement pas envie. Oui, mais parce qu'en fait, tu veux un niveau de sécurité. Mais non. Et que tes cloud providers, ils peuvent pas le faire. Mais les cloud providers peuvent le faire. Les cloud providers américains. Ouais. Et il y a le problème. C'est-à-dire que ce niveau de sécurité-là, c'est possible. Et en effet, l'ANSI. Et attention, je pense quand même que ton raccourci, Cécile, il est un peu rapide. Parce que si tu fais l'analyse de risque, tu verras que si tu mets une baie, comme tu le dis, ou que tu commandes une baie, tu verras que pour finir, t'es pas si protégé que ça. Ça dépend de quel risque tu veux mitiguer, de qui tu veux te couvrir. Ah, tu auras toujours façon le transit internet, forcément. Et le prix, ça va te revenir cher, parce qu'il faut que tu redéveloppes tout, il faut que tu refasses. Après, c'est le temps, et même c'est l'approvisionnement. C'est que là, typiquement, quand on parle du HDH, on parle de projets de recherche qui viennent et qui repartent. On n'allait pas demander à l'État de mobiliser énormément de fric pour ouvrir des baies. Où est-ce qu'on les mettait? Qui c'est qui protégeait le truc? On mettait un vigile devant chaque baie? Enfin, genre, qu'est-ce qu'on... T'as des assainteurs qui garantissent des sécurités Après, ça dépend de ce que tu cherches, tu vois. C'est comme nous, c'est en fonction de ce que t'as envie. Et justement, mais là on est dans un projet de recherche. On est dans un projet qui a besoin de pouvoir se faire. C'est-à-dire que le but du HDH ou de plein de boîtes, nous, c'était pas d'avoir l'infrastructure. On voulait pas payer des gens pour avoir ça, parce que notre métier, c'était de faire un projet de recherche pour qu'il y ait des chercheurs en France qui puissent trouver des remèdes à des maladies. C'était ça notre métier. Pas faire J'imagine que tu as aussi un sujet de, au-delà du prix. Hein. Admettons que tu as un budget limité, tu as aussi un problème de time to market. Oui. C'est qu'à un moment donné, si tu veux construire tout ça sans l'utiliser, bah, le FData Hub, on le verra quand on sera à la retraite. Quoi. Enfin, je veux dire, non, mais c'est. Et ça veut dire. Peut-être pas à la retraite. Pas toi, moi. Oui, voilà. Mais il faut pas oublier que genre le problème du time to market sur le HDH typiquement, là c'est un exemple et c'est Stéphanie Combe, on en parle régulièrement, donc c'est pour ça que il y a rien de privé par rapport à ça. C'est le fait que si le HDH ne marche pas, si le HDH ne peut pas traiter des données de patients français pour les boîtes françaises et projet boîte française d'ailleurs je mets, mais c'est souvent des universités ou des choses comme ça. Et ben ce sera les Américains qui le feront. Et en fait on va se retrouver dans le même cas que le Covid, c'est-à-dire que pas de vaccin. C'est genre, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, une boîte française s'est plantée. Eh bien, on a dû acheter des vaccins étrangers. Si demain, les boîtes françaises se plantent et ne peuvent pas proposer des outils, des médicaments, des outils, des petits devices qui permettent de sauver des gens, eh bien, je vous promets qu'on achètera des devices étrangers. Et donc, toutes les données de patients français qu'aujourd'hui on a, demain, elles seront juste dans des devices étrangers. Parce que demain, on ne se permettra pas. Enfin, si Google demain sort un périphérique de santé qui dit voilà, grâce à toutes les données qu'on a récoltées. Bah, tu sais qu'Amazon nous aura acheté un truc de santé, ce qu'ils ont racheté, c'est les cliniques. Hein. Ah ouais. Ah, il me semble qu'ils avaient plus de. Qu'ils s'étaient lancés dans le truc connecté médical. Ça peut leur permettre d'avoir des données, mais en fait, il faut voir aussi que Amazon et toutes ces boîtes-là, enfin, genre, c'est dur d'imaginer leur stratégie parce que souvent, ils en ont pas. Ils ont juste un cash flow gigantesque et ils se disent bah, je préfère l'acheter plutôt que ce soit à quelqu'un d'autre. Ça, c'est une première stratégie. Et la deuxième stratégie, c'est de se dire, on verra ce qu'on fera. Et genre, c'est un truc, il faut pas imaginer que genre, il y a des grands pontes qui ont vraiment une vision claire de là où ils vont. Ils vont là où leur argent les mène. Ouais. Et c'est souvent ça. Alors oui, peut-être que ça leur servira un jour à avoir des données, à pouvoir faire des choses comme ça. Mais surtout, ce qui est important, c'est vraiment de se dire que si on n'a pas des gens qui travaillent sur ces données-là, si les données sont tellement protégées qu'elles sont dans des data centers, que le truc arrivera dans 20 ans, et ben juste demain, il y a quelqu'un qui sortira un device qui sauve 5 ans d'espérance de vie. 5 ans d'espérance de vie, clairement, demain, on va pas pouvoir dire aux gens, attendez, dans 10 ans, une boîte française va peut-être se monter pour faire la même chose. En attendant, mourrez. Alors, quand même, une chose sur le HDH, c'est que là, on parle beaucoup du HDH, en plus, de sujets vraiment de confidentialité, ce qui est normal, Guillaume, tu as travaillé pour le HDH, on a une personne de Thales. Mais pour moi, il faut quand même garder à l'esprit que ça, c'est quand même des besoins particuliers. Et 90-95%, voilà, c'est des chiffres que je sors de mon chapeau, ont pas besoin d'un niveau de sécu aussi évolué, c'est-à-dire, oui, aucun octet sur Internet, etc. Et ces boîtes-là, aujourd'hui, ces boîtes qui n'ont pas des besoins aussi poussés que du HDH, elles sont où, globalement? Elles sont aussi chez les Américains. Et c'est-à-dire que moi, je n'ai pas des contraintes comme le HDH. Pourtant, j'ai d'autres contraintes. Des contraintes assez simples au final, mais qui n'existent pas non plus sur le marché local. C'est-à-dire qu'il faut aussi... finalement, les cloud providers auraient les 90% du marché non HDH, les cloud providers français, ils se porteraient très bien. Le HDH, c'est un peu quand même une niche. Enfin, les besoins du HDH, niche, ouais. Pour moi, c'est quand même une niche un peu comme Thales, le militaire et tout. Moi, je vois un peu ça comme des niches. Le tout venant n'a pas forcément besoin de tout ça. Comme je disais tout à l'heure, la PME qui a un site web. Mais PME, on va dire, qui a un site web, c'est une chose, mais la start-up un peu tech, avec quelques services, etc. C'est deux choses différentes. Ces besoins, c'est quoi? Et moi, c'est vraiment un point qui est important, c'est aussi de parler de ces entreprises-là. C'est un peu le ventre mou de la tech française, je dirais. Enfin, je ne sais pas comment l'appeler, on va dire, c'est la majorité des boîtes françaises. C'est quoi leurs besoins? Et pourquoi ces entreprises-là sont plutôt chez les GAFA? Mais ça, pour moi, c'est un point important. Sur les réseaux privés, sur les security groups, sur les peerings, etc. Et là, on est vraiment sur des besoins déjà de sécurité, mais pas aussi évolués. Mais après, comme tu l'as dit, moi, je pense que dans les cas-là, ce qui manque, tu l'as un peu dit tout à l'heure à demi-mot, c'est qu'ils offrent les services. Si on prend l'exemple, du coup, là, on parle de réseau privé, globalement, ça s'abrège en VPC la plupart du temps pour Virtual Private Cloud. Et du coup, cette offre-là, les fournisseurs français, il y a un truc qu'on voit souvent, c'est si tu regardes sur leur site, si tu regardes sur leur offre, oui, ça existe pas. Par exemple, je prends l'exemple de SkyOS et ceux que je connais mieux à ce niveau-là, ils vont dire les VPC, ça existe. Sauf que dans la réalité, c'est un service qui est ultra appauvri. C'est comme si demain quelqu'un veut aller chez Bugatti et toi tu lui dis non mais je peux trouver une voiture, la voiture il y a un siège, les autres ont été arrachés, il y a un moteur qui est accroché à peine, c'est pas le même niveau de service, il manque plein de choses. Et si on prend l'exemple de Scalway, les security groups on peut pas se taguer entre nous, ça peut pas être con, mais ça c'est le genre de truc au confort, quand tu fais du cattle, c'est important. Autre chose qui est un peu embêtant, c'est que c'est ultra basique. C'est vraiment, tu crées ton VPC, tu crées ta gateway, mais tu ne peux pas être souple sur le routage, tu ne peux pas être souple sur pas mal de choses, en fait. Et du coup, bah, tu es un peu bloqué. Donc, soit tu simplifies ton infra à l'extrême, soit tu tournes ton infra pour rentrer dedans, mais ça rajoute énormément de contraintes. Alors que si tu vas sur AWS ou autre, bah, tu vas pouvoir créer ton réseau de manière ultra flexible avec des gateways. Du coup, chez Guillaume, tu en as parlé la dernière fois, il y a un truc très bête que j'ai jamais vu chez un fournisseur français. C'est de pouvoir avoir des gateways internes pour si ta machine n'est pas connectée du tout à Internet, qu'elle puisse taper sur les API du cloud provider pour taper sur des autres services, par exemple S3. Et du coup, on est, enfin, le fait du coup de vouloir compenser, d'appauvrir ton infrastructure, ton schéma, etc., c'est ça aussi un coût financier non négligeable en fait pour le client. Et un risque aussi. Et un risque et un coût. Un gros risque. Et je veux comme juste rebondir ce que tu as dit avant, Mathieu. Tout le monde n'a pas besoin de ce qui est décrit dans le HDH. Je suis assez d'accord avec toi. Je vais quand même dire, il y a des choses qui ne se voient pas, et après, ce n'est que mon avis personnel, mais y compris la PME qui vend du pain, ces données doivent être chiffrées à tracer le transit. C'est des choses sur lesquelles on ne peut pas passer. Le TLS, c'est sûr. Oui, ces éléments-là, si tu veux, c'est des éléments qui ne sont pas trop affichés, parce que du coup, c'est pour un service. C'est pour nous, c'est basique, quoi. C'est la normalité, oui. On va dire, tu vois. C'est la baseline de la sécurité. Bah, quand ça y est pas, enfin, je trouve que c'est extrêmement problématique à mon sens. Et le problème peut-être qu'il y a là-dedans, mais quand on revient par exemple sur le chiffrement des disques durs, c'est que je pense que les trois quarts des gens qui sont chez ces cloud providers-là n'ont aucune idée de savoir est-ce qu'on l'a ou pas. C'est qu'en fait là on a une concurrence en fait qui n'existe pas. Enfin, on a des fonctionnalités qui ne sont pas dans l'un ou dans l'autre, mais qui ne sont juste pas affichées, personne ne le sait. Ouais, et surtout que ça soit fait à l'état de l'art. Si tu veux, là, dans la liste de ceux que tu as là, par exemple, beaucoup ne chiffrent pas. Donc ça, c'est un premier problème. Et ceux qui chiffrent, c'est loin d'être à l'état de l'art. C'est-à-dire que tu prends luxe, tu mets une passe-phrase luxe, et puis ça te permet de dériver une clé de chiffrement, et puis roule ma poule. Enfin, ça c'est bien, c'est le chiffrement de mémé, quoi. Enfin, je veux dire, le chiffrement... Il y a du chiffrement, c'est ce qui était demandé. D'accord, mais ça vaut pas grand-chose, en fait. Je troll. C'est-à-dire que le chiffrement, t'as quand même des principes. C'est un peu comme les histoires des Asies et des régions. T'as, oui. T'as des principes, et ils sont pas là pour rien. C'est-à-dire que si t'as des hiérarchies de clés, avec une master encryption key, ensuite qui permet de chiffrer des keys, donc des keys encryption key, qui permettent elles-mêmes de wrapper des decks qui sont les data encryption keys, il y a une logique derrière tout ça. Oui, c'est le système de PKI, chiffrement. C'est et tout ça, c'est réfléchi, c'est pensé, oui. Ça a une vraie logique en fait. Tu peux te dire, bah, du coup, par exemple, mes keys, elles sont attachées à mes clients. Si je dois vraiment déléter des données du client ou n'importe, ne serait-ce pour du RGPD ou quoi que ce soit, j'efface les keys et donc du coup, les données sont irréversiblement effacées puisque du coup, je n'ai plus les clés qui permettent de déchiffrer les clés qui chiffrent pour de vrai les données. Mais tout ça, ça s'appelle l'état de l'art. Ouais. Avec une génération, avec des RNG, donc des Random Number Generator. C'est le truc vraiment bien fait. Oui, oui. Ça, c'est vraiment le truc bien fait. Mais personne ne le fait. Bah, enfin, ou celui qui a vraiment envie de le faire. Bah, si, en fait, c'est juste l'état de l'art que tout le monde le fait. Mais effectivement, c'est ce que tu retrouves difficilement chez les cloud providers. Oui. Mais c'est tout ce que tu grattes et que du coup, à la fin, mais tu dis... C'est un truc que tu fais en interne parce que tu as besoin de la sécurité, mais c'est chez le provider. Mais justement, en fait, c'est là aussi où, pour moi, il y a un truc important par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Cécile, c'est que tu peux tout refaire en interne, oui, mais ça demande déjà beaucoup de temps et de compétences. Oui, et surtout, certes. Pour moi, là-dessus, le cloud, il apporte un vrai truc. C'est que, en tout cas, de la manière dont je le vois, c'est de se dire que même demain, tu es une PME de 150 personnes, tu fais du soft, rien de super ambitieux, tu n'auras pas les moyens de faire un truc à l'état de l'art d'un Amazon, d'un AWS, d'un Google, etc. Non, mais tu vois... Et genre, le cloud, ça te permet d'accéder à ça et toutes ces bonnes pratiques dans la conception des data centers, dans la gestion des clés, que tu ne pourrais pas faire en interne, parce que ça serait inimaginable, oui. Tu vas pouvoir y accéder et offrir un meilleur niveau de sécurité et de développement, en fait. Donc pour moi, c'est un peu ça aussi, la promesse du cloud, d'accéder en fait à des choses que tu pourrais pas faire tout seul. Toi seul, ouais, tu pourrais pas le faire, ou pas aussi bien. Et pas tu peux pas te substituer. Enfin, je veux dire, oui, si le chiffrement dont on discute là, il est pas mis en place par ton cloud provider, tu ne peux pas te substituer. Après, il faut avoir confiance en chiffrement du cloud provider aussi. Ah, bah, tu chiffres après de ton côté aussi. Oui, voilà. Mais il faut avoir une confiance en ton provider. Ah mais c'est un contrat avec lui. Enfin, genre c'est tu fais en partie confiance parce que il possède ton réseau, il possède ton accès, c'est lui et la façade au monde. Il y a aussi des solutions. Alors attention, parce qu'il existe différents niveaux. Donc là, je parle du chiffrement de base à l'état de l'art. Donc on considère qu'il est fait à l'état de l'art. Et ensuite, tu as d'autres solutions si tu veux pas avoir confiance. Alors, tu as ce qu'on appelle le bring your own key. Oui. Honnêtement, je vais vous dire, le seul truc que ça mythique, c'est un truc très joli sur le papier. La réalité, c'est que la seule chose que ça mythique pour de vrai, c'est est-ce que le RNG, donc le, on va dire l'aléa qui a permis de générer la clé de chiffrement ouais. du code provider, je ne lui fais pas confiance et donc je le fais sur un truc où moi je sais que c'est bien et je lui donne la clé. Ouais. Ce que ça mythique. Honnêtement, je vais te dire, pour savoir comment c'est fait chez les principaux cloud providers, c'est bien fait, donc tu mythiques pas ouais. grand-chose. Tu t'achètes peut-être l'esprit tranquille, mais garde plus que ça. Ensuite, tu as ce qu'on appelle l'externalisation des clés de chiffrement. Ouais. En fait, c'est un abus de langage. Ce n'est pas les vraies clés de chiffrement qu'on externalise, c'est ce qu'on appelle les KEC, actuellement la MEC, la Master Encryption Key. Les DEC qui, elles, chiffrent pour de vrai la donnée, elles sont toujours chez le cloud provider, gérées par le cloud provider, ouais. mais elles sont chiffrées, wrappées avec des clés qui sont en ta possession. Okay. Et quand le cloud provider veut accéder aux données pour les déchiffrer, pour monter un disque chiffré, pour accéder à quelque chose, à ce moment-là, il vient faire une requête chez toi, authentifiée, pour que tu dévrappes cette clé de chiffrement et ensuite que ouais. lui puisse accéder à tes données. C'est un genre de MFA, quoi, en gros. C'est un genre de MFA, sauf qu'en fait, c'est un peu plus que du MFA, dans le sens où, en fait, c'est à la fin, tu coupes les clés, il n'y a plus rien. Ouais. Et après, tu as carrément ce qu'on appelle le client-side encryption, où c'est là tu déposes directement chez le cloud provider des données chiffrées avec des clés qui sont chez toi et qui n'ont jamais quitté ton chez toi. Ça marche plutôt pour certains, soit du stockage à froid, soit certains services SaaS. Du S3, des trucs comme ça. Ou du SaaS. C'est-à-dire que ça marche aussi pour du SaaS. Donc aujourd'hui, par exemple, tu prends du Google Workspace ou de l'Office 365, c'est les options qui existent. C'est supporté ? C'est supporté. Maintenant, attention, ça réduit beaucoup les fonctionnalités. Oui, c'est-à-dire que beaucoup de fonctionnalités côté serveur n'existent pas. Et encore, alors ce qui est à mon sens, mais après c'est mon avis personnel, le next step du tout, ce qu'on appelle l'ubiquitous encryption, qui est un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que tu vas te retrouver, alors c'est assez technique, donc je ne sais pas si on va rentrer dans le détail, mais je peux essayer de vous le faire, un gaming facing, ça peut être long, hein, parce que c'est quand même assez technique. Ça repose en fait sur deux éléments technologiques, donc le premier que je viens de discuter, c'est l'externalisation des clés de chiffrement, ouais. et ce qu'on appelle le confidential compute. Donc en fait, le principe, c'est le suivant, c'est-à-dire que par exemple, tu démarres une VM dans le cloud en ubiquitous encryption, et puis son volume, il va être chiffré. Bon, ça, c'est le principe. La clé de déchiffrement, alors c'est pas la vraie clé de déchiffrement du volume, c'est la clé de déchiffrement de la clé du volume. Mais on va simplifier les choses en disant que c'est la clé de déchiffrement du volume. Elle est chez toi. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu démarres cette VM dans du confidential compute, donc en fait, c'est une zone isolée de ton hyperviseur que même l'administrateur ne peut pas accéder, en fait. Qui est elle-même avec une clé de chiffrement hardware à l'intérieur de ton CPU. Style TPM. C'est presque style TPM, mais ce n'est pas tout à fait un TPM. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, en fait, ce qu'on appelle un CPU, c'est un abus de langage, c'est un SOC. Ouais. À l'intérieur de ce SOC, tu as des... Je pense qu'on va réduire parce qu'on a perdu tout le monde déjà. Ouais, voilà. non, c'est bon, mais la plupart des gens qui écoutent... D'accord. Et au pire, ils vont sur Wikipédia. Hein, exactement. Ouais. Et donc, en fait, à l'intérieur de ce CPU, tu te retrouves avec des clés qui ont été gravées, on va dire, de manière ouais. dure, qui ont été en dur, qui permettent de vérifier que tu es dans ce qu'on appelle une enclave de confidential compute. Donc, c'est-à-dire, en fait, en gros, imagine que cette enclave, c'est une isolation hardware okay. chiffrée de ta VM où même l'administrateur, le root de l'hyperviseur, il ne peut pas rentrer dedans. OK. Voilà. Et donc, une fois que ta VM comme ça, elle démarre, bah, je ne peux toujours pas accéder à ces données, on est d'accord. Ouais. Et donc, en fait, il y a un challenge qui est fait entre le système de gestion de clés extérieures qui est la VM avec un mécanisme d'échange et de challenge pour vérifier qu'on est bien dans une enclave sécurisée qui est signée sur le processeur AMD, numéro de série, truc mûche, etc. Si c'est de l'AMD. Ouais. Donc, je fais une petite aparté pour ceux qui veulent regarder, ça s'appelle SEV chez AMD, SGX chez Intel et TEE chez ARM. Voilà, comme ça vous pourrez aller chercher sur Wikipédia. Et donc, une fois que ce challenge est validé, à ce moment-là, le système de clé externe au cloud provider va donner la clé. Enfin, en fait, il ne donne pas la clé, mais il dévrappe la clé de chiffrement des données. Et donc, tu te retrouves avec un élément qui tourne dans le cloud provider sur lequel le cloud provider n'a pas du tout la main et n'a pas accès. Ok. Voilà, donc ça s'appelle l'ubiquitous encryption, alors, si vous voulez chercher. Et il y a vraiment des gens qui le font ou... Alors, il y a tout à fait des gens qui le font. Alors qu'ils le font, non, mais pour c'est-à-dire, est-ce que ça existe? Ouais. Ça existe tout à fait. Et en prod? Ça existe tout à fait en prod aussi, oui. Mais il y a quand même un truc, toi, tout ça, c'est très intéressant. Mais il y a quand même un truc, c'est qu'il faut se rendre compte que là, je veux dire, 90% du marché est à 200 années-lumière de tout ça. Globalement, on parle de ubiquitous machin, etc. Globalement, moi, je veux des security groups, je suis déjà content, quoi, limite. Enfin, toi, je veux dire, non, mais on est. C'est... Genre, déjà, du SSH, je pense non, mais voilà, non, mais c'est que tu as raison qu'on a un peu dérivé. Non, mais c'est oui. ça que je veux dire, c'est que si on recentre un peu le sujet, c'est que là, on est parti très, très, très, très, très loin, mais en fait. On parle de cloud français qui n'ont pas de réseau privé. Donc là, les Ebikit, machin. Est-ce que, je veux dire, on est sur Mars, là. Mais est-ce qu'il y en a pas qui en ont? Parce que justement, dans le chat, il y en a qui nous disent apparemment. Donc Nicolas nous dit que il y a tout ce qui est VPC et security justement sur Scaleway. Alors la blague. Bah, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement. Je ne connais pas assez. Attention. Vas-y, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est en fait, il faut faire très attention à cette notion qui peut être hyper, maladroite, en fait, c'est de parler en termes de service en mode on l'a ou l'a pas, de manière binaire. C'est 8, t'as les VPC qui existent, c'est Scaleway, je les ai testés, j'ai fait un article de blog dessus. Et du coup, bah, oui, ça existe, sauf que c'est pas intégré à tous les services, même s'ils le font petit à petit. Encore une fois, je sais qu'ils bossent là-dessus, j'en ai déjà discuté avec eux. Mais il y a plein de choses qu'ils n'ont pas. Il y a pas de système de gateway spécifique, il y a plein de choses comme ça qu'ils n'ont pas encore intégré. Donc, je doute pas qu'ils le feront un jour, mais pour l'instant, on peut pas dire, bah, moi, je peux pas dire honnêtement, si je fais une comparaison avec un AWS, bah, pour le réseau privé, Scaleway remplira pleinement son office. C'est comme le cloud, en fait, ils ont leur définition du VPC et AWS a leur définition du VPC. Comme Azure a là de ouais, leur, tu vois. L'attente publique, elle attend un peu plus de choses. Là, c'est vraiment très basique. Tu te bases sur un référentiel d'AWS qui est celui le plus avancé. Du coup, c'est intéressant ce que tu viens de dire, Cécile. Donc, prenons la définition d'un des cloud providers du VPC et regardons la question de fond. En fait, pourquoi pas? C'est leur définition. Je te prends en mot, c'est leur définition. Ça correspond à combien de pourcentage du besoin du marché? Parce que si c'est leur définition, mais que ça correspond qu'à leurs besoins eux-mêmes, c'est bien, c'est leur définition. Ouais. Après, tu vois, c'est ça que je voulais rebondir et que j'en veux reparler aussi. Là, je vais dériver très loin. Et c'est, en fait, c'est que on est tous là en train de critiquer en mode OVH fait pas ça, ou AWS fait pas ça, ou Scaleway fait pas ça. Et c'est, en fait, c'est la question, c'est que, un, est-ce que quelqu'un leur a déjà remonté? Toi, je sais que t'as fait des articles de blog, voilà, il n'y a pas question. Deux, est-ce que les boîtes sont prêtes à écouter, à assumer que, ok, ils n'ont pas répondu aux besoins, et à faire en sorte de répondre aux besoins dans le futur? Alors, juste là-dessus, parce que je me permets de reprendre juste, la plupart du temps, on leur remonte, et je sais qu'ils sont assez friands, généralement, des retours, ils sont assez ouverts pour la plupart. Et je sais aussi qu'ils ont, si on leur demande aujourd'hui, s'ils pouvaient le faire en un claquement de doigts, ils le feraient. Le souci, c'est que je dis pas encore une fois qu'ils veulent pas le faire ou de ça. Je veux dire juste qu'au moment X, on peut pas dire qu'ils ont un service qui répond aux besoins du marché. Oui, bien sûr. Parce que quand on dit j'ai besoin de réseau privé, bah, j'ai besoin de faire du filtrage, potentiellement faire du log sur les flux réseau, faire des gateways, faire du recollection, comme ça. Et ça, c'est des besoins marché. C'est pas forcément une question de déficience, c'est vraiment une question de besoin. Et ça, pour l'instant, ils l'ont pas. Est-ce que c'est grave en soi? Non, mais on peut pas juste dire du coup que ils l'ont et ça remplit parfaitement. Alors, il paraît que, enfin, en fait, donc, my bad, je me suis trompé. C'était plutôt sur Outscale où il y avait justement les security groups sur les VPC. Amen. Mais là, je crois qu'on n'a pas assez d'expérience autour de la table. J'avais des mauvais retours d'Outscale au niveau Outscale, de la stabilité. Mais... Outscale, tout le monde, ouais, globalement. Alors, mais c'est ça tout le truc aussi, c'est que en fait, chacun a des points forts et des points faibles. Et c'est d'ailleurs, ça. Si on parle des cloud providers américains, je pense autour de la table, on a tous ici des points forts, des points faibles, des cloud providers américains. Et des cloud providers américains qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et clairement, on je peut. Sais pas, je les utilise pas, moi, perso. Bravo. On est dans un podcast sur le cloud et. Bon. Mais non, mais c'est. C'est français, monsieur. Non, mais c'est vrai que là, si Outscale doit avoir ça, et c'est vrai qu'avoir un SDN qui permet donc d'avoir du filtrage de manière avancée, c'est quelque chose qui aurait dû être là à la base. Je sais pas si on veut rentrer dans justement toute cette partie, genre, comment faire avancer ces cloud providers-là, puisque là, en fait, c'était ça plutôt... Moi, je trouve ça important. C'est si on a envie qu'on ait des trucs qui marchent en France... C'est ce qu'on voulait faire à la fin, donc on peut essayer de lancer ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces cloud providers-là, ils travaillent, comme tout le monde d'ailleurs, à ressources finies. Et ils ont un nombre de ressources, qu'est-ce qu'il est? Et à un moment donné, c'est une question d'arbitrage. Donc peut-être que si tu te dis, bah ouais, je vois bien les VPC, mais... Il y a tellement d'écarts que c'est uniquement une question d'arbitrage. Par quoi tu commences? Et en fait, si jamais t'as pas d'IAM et que tu me fais un VPC, si tu commences à faire le VPC et que demain tu fais un IAM, c'est quoi? C'est qu'il faut refaire le VPC quand t'auras l'IAM? Alors, il y a quand même un truc, moi, sur lequel je voudrais rebondir, c'est qu'on parlait de VPC, etc., notamment chez Scaleway, et chez tous les autres cloud providers français, c'est la même, enfin, sauf ceux qui n'ont pas de VPC, c'est qu'en fait, le VPC n'est pas sur tous les produits. C'est-à-dire qu'il y a un VPC sur un subset, et ça, c'est un gros problème en France. C'est qu'en fait, les fonctionnalités du cloud, vous allez sur Amazon, par exemple, vous avez un produit, voilà, VPC, il est dispo sur tous les produits de manière assez consistante. Mmh. C'est-à-dire, c'est un peu le même fonctionnement, voilà, etc. Vous allez sur Scaleway, C'était le cas il y a quelques mois, sauf si c'est sorti très récemment. Je veux dire, quand ça sortira, quand le podcast sortira, ça m'étonnerait. Mais l'offre Kubernetes n'a pas le support des VPC. Alors moi, à l'époque, quand j'ai testé, c'est peut-être maintenant c'est en bêta, mais à l'époque, il n'y avait ni support des VPC, ni support des security group. Kublet, le CNI, l'API server, etc., etc., étaient à poil sur Internet. Je connais même un mec qui a scanné les réseaux Scaleway, les plages d'IP, pour le fun, pour récupérer des trucs. Enfin bref, voilà, donc on en est là, hein, je veux dire. Et on en revient à ce qu'on dit. Non mais c'est... voilà, et tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi? C'est-à-dire que sans parler du produit VPC, c'est-à-dire un VPC basique, mais dispose sur tous les produits, moi, je serais potentiellement client pour mes besoins perso, je veux dire, par exemple. C'est-à-dire, je pourrais peut-être l'utiliser. Et en fait, c'est ça aussi qu'il faut se rendre compte, c'est que moi, ce que je m'attends chez un cloud provider, c'est une cohérence de l'offre. Quand un produit sort, VPC, auto-scaling, etc., je m'attends que ce soit disponible globalement, c'est-à-dire, voilà, j'ai d'auto-scaling. Service, quoi. Voilà, c'est ça. Que ce soit intégré, en c'est fait. Ça, intégré, voilà, que ce soit, il y a une cohérence, il y a une vision. Un cloud provider, c'est pas juste des produits... c'est pas un patchwork. Voilà, c'est pas, voilà, c'est ça. Quand je regarde des cloud providers français, souvent, j'ai l'impression qu'en fait, c'est 10 entreprises qui ont fait 10 produits qui c'est se combinent. C'est une marketplace. Ouais, c'est une marketplace de produits. Quand et je vois les menus OVH sur le site, non, mais ouais, rien, non. C'est ça. Tu sais, je cherche un VPS et maintenant, il y a 20 000 trucs, tu vois, c'est un peu une matrice je de. Je VPS, en fait. Et on parle qu'à chaque fois que tu cliques sur un truc, t'as une facture de 12 centimes, 1,37€ et 2,12€. Rien n'est unifié, en fait. C'est-à-dire, ce produit supporte le VPC, celui-là le supporte pas, ce produit supporte le chiffrement, celui-là supporte pas, ce produit supporte l'auto-scaling et ce produit ne le supporte pas, ce produit a une supporte les security group, ce produit ne le supporte pas, etc., etc. Et ça fait une espèce de matrice infinie de possibilités et ça n'a plus aucun sens à la fin. Oui, donc en fait, il faudra un cloud qui fasse genre 4 produits, mais unifié, simplifié et utilisable. Et surtout, généralement, les clouds, pour avoir travaillé chez un cloud provider, construisent en fait des produits au-dessus d'autres produits. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours comme ça. Voilà, oui. C'est des choses qu'en fait, ça s'auto-alimente. Plus tu as de produits, bah, plus tu vas vite à construire de nouveaux produits. Et c'est aussi ce qu'ils sont organisés en service team. Ouais. Et que du coup, les service team délivrent un service. Voilà. Et les autres ont besoin de ce service. Et ils construisent ce service en consommant ce service. Au même titre que toi, tu consommes en tant que client. Ils consomment moi, c'est un truc que je ne comprends pas, par exemple, en France, comment OVH ou Scaleway ont pu sortir des offres Kubernetes avec des notions de node pool, donc des groupes de machines, sans avoir la notion de groupe de machines dans les instances. Comment c'est possible? Je veux dire, il n'y a pas quelqu'un qui s'est dit à un moment... bah en fait, il y a peut-être un truc qu'on a loupé. Alors, on en revient au choix. La notion d'ASG sur Amazon, par exemple. On a eu la discussion tout à l'heure. Ouais, non, on mais on en revient, on en revient à un point initial, qui est à mon sens, parce que OVH te vend de l'infrastructure à découpe. Et comme ils te vendent de l'infrastructure à découpe, alors en plus, je pense quelque chose aussi qui est un peu de notre fait, c'est qu'il faut dire, c'est qu'on discute là d'OVH, on discute de l'offre public cloud d'OVH. OVH est une entreprise, ils ont différentes offres, et pour l'instant, on se focus sur la partie public cloud. Hein, c'est important de le préciser. Bref, ce que je voulais dire, c'est que comme la problématique qu'ils ont, si vous regardez, achetez 5 VM d'affilée sur OVH et vous verrez, vous tomberez sur le même hyperviseur ou sur 2 hyperviseurs. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'orchestration des demandes qui sont faites, elles sont faites les unes derrière les autres. Donc, ils remplissent un hyperviseur, puis après, ils remplissent le suivant, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et quand tu fais ça, tu as un problème de linéarité. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire un scaling group ou un auto-scaling group de 100 VM. Parce que ça voudrait dire que si tu faisais ça, il faudrait que potentiellement tu aies un certain nombre ou un nombre non négligeable de ressources derrière. Et en fait, il est là le problème. C'est quand tu vends des éléments à la découpe et que tu n'as pas cette notion d'abstraction et de service en fait, que toi t'achètes, et ben tu te retrouves avec ces travers-là. Et souvent, ce que j'ai entendu quand moi j'ai fait cette remarque à des gens d'OVH, on m'a dit c'est de la faute d'OpenStack. C'est pas vrai en fait. Bah, c'est ce qu'ils vendent en fait. Ils ont décidé de vendre. Vous avez configuré l'orchestration Nova. De cette manière, ils ont décidé un choix d'entreprise. Ça vous facilite le provisioning planning, ça vous facilite tout un tas d'éléments. C'est des choix techniques. Enfin, c'est un choix, tout à fait, mais c'est pas une limitation d'OpenStack. Oui, voilà, c'est un choix technique. Mais c'est vrai que finalement, quand on regarde le besoin des entreprises, voilà, comme je dis, tout venant, des entreprises un peu classiques, tech, etc. Moi, j'utilise Amazon, mais finalement... Je veux dire, Amazon a 1 million de services, mais en fait, la base que les gens utilisent globalement, c'est un peu la même chose. C'est les VPC, c'est les auto-scaling group. Bah, des choses très simplistes, en fait, généralement. Ouais, mais très simplistes. Parce que... Par contre, c'est intégré, ça tourne. Oui, voilà. Et ça, c'est intégré. Et en fait, mais il n'y a pas grand-chose. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose. Stockage objet et IaaS complet, c'est 85% du marché. Ouais, non, mais ouais. Mais par contre, IaaS plus. Je veux dire, IaaS, c'est réseau privé, gateway, security group. C'est comme on peut parler de S3. S3, je vois plein de providers, ils disent, bon, on a S3, Bah, tu regardes, ta S3, t'as trois options. C'est stocker des objets dans le bucket et des trucs comme ça. Alors que sur AWS, t'as six pages d'options. Tu peux héberger des sites avec, tu peux faire plein, des ACL ultra précises, tu peux faire plein de choses. Et en application multi-région. C'est ça. Oui, c'est voilà. C'est important, ouais, c'est ça. Mais mine de rien, c'est important. Et moi, je pense que le vrai problème de fond chez les fournisseurs français qui en arrivent à des questions, notamment comme quand je dis, quand on compare deux trucs très haut niveau, c'est qu'on a un problème de definition of done au niveau des fournisseurs français. C'est que j'ai l'impression, eux, c'est dès qu'il y a un MVP qui fonctionne à peu près bien, on va le mettre du coup en tant que service entre guillemets fini. Alors que pour moi, le definition of done, il devrait être beaucoup plus complet, avec un minimum 50% des features du service et surtout une intégration aux API et dans les autres services, comme le disait Mathieu plusieurs fois, dire que bah, le VPC il est fini quand il est intégré à tous les autres services qui doivent pouvoir utiliser le VPC comme cube. Alors, j'ai un exemple parfait pour ce que tu dis, c'est j'ai testé une offre container, pas Kubernetes, container as a service française à sa sortie de, en GA, General Availability. Je teste, retour, réunion avec les leads de l'équipe, etc., etc. Et moi, j'avais un vrai besoin, c'est-à-dire je voulais l'utiliser cette offre. Et donc, mon besoin, c'était, bah, j'ai une offre container as a service, bah, je veux avoir voilà, une image conteneur et la déployer et ça marche globalement. Un conteneur, je démarre un conteneur, voilà, c'est voilà, et puis bon, il y a un peu de paramétrage. Bah, l'offre ne supportait pas les réseaux privés, ne supportait pas les security groups, ne supportait pas les domaines custom. Par exemple, si je veux un domaine mcorbin.fr, ça, voilà, un domaine, voilà. Donc, obligé d'être opéré, d'être exposé sur Internet, ne supportait pas le stockage, ne supportait pas le passage de secret, ne supportait pas le passage de configuration, de fichier de configuration, je veux dire, pour un conteneur, c'est quand même un peu dommage. Mais en fait, je leur dis, ne supportait pas le fait d'utiliser des registres publics, par exemple Docker Hub, etc. En fait, je pouvais juste rien faire. Mais vraiment, rien. C'est-à-dire, l'offre était GA, mais je leur dis, mais je peux faire quoi? Mais en fait, c'était même pas d'utilisateur, je pense. C'est-à-dire que je comprenais pas, même pas le besoin. J'ai encore mieux. Je comprenais pas qui pouvait utiliser ça. Tu connais Nuage? Oui. Oula, on va rigoler. Non, ben. Alors là, oui. J'ai eu fut un temps des crédits Nuage. Bah, parce que tu es une influenceuse. J'ai plus mon compte Twitter, je suis plus influenceuse. Mais si, tu l'es toujours. Ouais. Du coup, je voulais tester un petit peu Nuage et je me suis dit, vas-y, en gros, les crédits que j'ai eus, c'est l'équivalent de 35 ans de VM de monitoring qui me sert dans un coin. Bref. Du coup, ils avaient des trucs cool, genre en fait, tu cliques bouton et puis t'as une VM qui spawn au bout d'une minute. Moi, j'étais en mode, bah, vas-y, c'est cool. Tu vois, déjà, je suis pas du tout dans Kubernetes comme SaaS, comme vous. Moi, j'ai une VM qui spawn en une minute, je suis là en mode trop bien et tout. Et en fait, ils avaient, tu vois, on revient au truc du VPC. En fait, dans leur VPC, il y avait trois trucs. C'est j'autorise tout. J'autorise 8443, j'autorise SSH. C'est tout. Non mais oui, c'est... Voilà, fin de l'histoire. Si t'as un port random, tu peux pas. Et en fait, il faut aussi vous poser la question. La question, elle est ouverte. Hein. Pourquoi c'est comme ça? C'est-à-dire, pourquoi? Pour moi, c'est la question de fond. Parce que les gens n'ont pas donné leurs besoins et du coup, les gens, ouais, ils font... Tu penses que c'est ça? Moi, je n'ai pas la même analyse que toi. Moi, je pense que si tu veux, tu as un catalogue de services. J'allais le dire. Des hyperscalers. Et aujourd'hui... Comme le discours marketing, je ne parle même pas technique, le discours marketing, c'est de dire on a au moins l'équivalent des hyperscalers US. Si tu mets factuellement d'un côté, tu as 5 services et l'autre, tu en as 150, tu dis tu me mens un peu. Donc le but, c'est de cocher des cases, de dire, ouais. Pas rentrer dans le détail, de dire mais moi, je l'ai la base de données de service. Ok, tu as juste MySQL dans une version outdated, sur qui Internet. Fait pas de cluster, ouais, sur non, Internet, mais, voilà, qui ça. Fait pas de cluster, qui n'est pas backupé. Qu'il n'y a pas de scaling. Bon, c'est... À ce moment-là, je peux te dire aussi, moi aussi, dans mon carte de B, j'ai du Kubernetes, mais il faut que j'installe la VM, il faut que j'installe Kubernetes. Voilà, enfin, moi aussi, je peux le dire. Tu es un cloud provider, Cécile. Ouais. mais c'est ce qui se passe, en fait, à l'heure actuelle, en effet, dans les cloud providers. C'est que... Et en fait, c'est encore plus délétère que ça. C'est que on va sortir un service parce qu'il doit cocher des cases, sauf qu'en fait, personne ne peut l'utiliser parce que tout le monde se rend très vite compte que ça ne marche pas. Donc, le maintenir en production, ça devient trop cher, donc on l'enlève. Mais alors, donc ça veut dire qu'on a décoché une case, donc ça veut dire que quelqu'un vient nous dire ah bah vous avez plus cette case cochée là, donc ça veut dire qu'on refait le service, etc. Enfin, c'est vraiment un truc qui se mord la queue en permanence. What's the point? Eh ben, à l'heure actuelle, ce qu'il va falloir qu'on fasse, et c'est un peu le but là-dedans, et d'ailleurs c'est pour ça que c'est bien Mathieu que tu l'aies dit, c'est revenez aux fondamentaux. C'est genre, cloud provider français, revenez aux fondamentaux, donnez-nous du réseau qui marche, une VM qui marche, qui soit schedulée aux bons endroits, dont je vais pouvoir avoir en fait de la confiance. Je veux essayer de retrouver de la confiance. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce que j'ai l'impression, c'est que les gens qui ont confiance dans les cloud providers français, c'est avant tout parce qu'ils ne savent pas les problèmes. Moi, je me souviens de personnes qui disaient « Oh là là, toutes mes données ont été perdues à Strasbourg quand ça a brûlé. » Bah, on était là en mode, mais on savait tous que les data centers d'OVH, ils étaient comme ils étaient. Parce que. Parce qu'ils ont fait des backups. Enfin, voilà. Quoi. Oui, mais c'est, mais, oui, mais c'est une question de confiance. C'est aussi le cas où tu as acheté des backups externalisés, puis du coup, elles étaient externalisées dans la salle d'à côté. Oui. Ouais, voilà. Oui, bah, donc, non, bah, là, oui, oui. Clairement, là, je suis d'accord. Oui, mais tu vois. Là, ils ont fauté. Mais non, mais oui, mais c'est ça la notion de confiance. La notion de confiance, c'est-à-dire, donnez-moi des services et je dois avoir confiance là-dedans. Oui. Parce que, après, il y a aussi un autre truc, c'est d'ailleurs un peu ce qu'on a dit. En fait, les cloud providers marchent un peu en unité un peu séparée, en service séparé. Pareil. On l'a dit, si jamais je reviens au début, que les clouds, c'est aussi Datadog, c'est aussi des choses comme ça. Le cloud, c'est pas que mon IaaS. Oui. Si jamais demain, OVH permet, OVH ou un autre d'ailleurs, c'est pas le problème, on parle beaucoup d'OVH parce que c'est le plus gros, mais les Outscale, les Scaleaway, les quoi que ce soit, whatever, donnez-nous un service dont on peut avoir confiance dedans et nous, on construira les services qui vont dessus. Demain, je pourrai avoir un monitoring as a service basé sur une infrastructure qui va bien. Demain, je vais pouvoir avoir, mais au moins, il me faut les basiques, les fondamentaux derrière et qui vont me permettre aussi, d'avoir un Kubernetes as a service sur OVH. Moi, je rêve d'en faire un Kubernetes, un bon Kubernetes as a service. Mais si jamais j'ai pas de VPC, si jamais j'ai pas déjà du bare metal, tu le construis. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais j'ai pas envie. Ouais, c'est pas ça. Moi, j'ai envie de proposer un service. C'est-à-dire, c'est à chaque fois et tout le monde réinvente le bare metal. Tu prends du bare metal et les éléments. On a vachement divagué, donc je pense même pas qu'on va remplir le tableau. Mais, ouais, non, mais oui. les éléments oui, qu'on a discutés tout à l'heure, tu ne peux pas te substituer au code provider. Tu peux prendre un bare metal tout ce que tu veux s'il a pas l'IAM, oui, s'il a pas les réseaux chiffrés. S'il n'a pas ses disques chiffrés, tu ne te substitues pas au cloud provider. Mais moi, je rejoins 100% ce que dit Guilhem. Tu construis un IaaS complet. Oui. C'est la base. En fait, c'est les fondations. Et au-dessus, tu pourras construire tous les services que tu veux. Mais ce que je disais. Parce que la réalité, c'est que. T'accélères quand t'as des services. Et la réalité. T'accélères le développement. C'est que tu prends les services, que ce soit des grands américains, des AWS, des Google, etc. Mais fais le pourcentage. Je n'ai pas de chiffre, donc je ne vais même pas en faire un au doigt mouillé. Mais c'est l'extraordinaire majorité qui tourne sur ces bases-là. Oui. Mais tu prends du GKE, ça tourne sur quoi? Sur GKE? Sur GCE, du coup. Oui, sur les instances. Ouais, oui, sur GCE, oui, pas K, oui, bien sûr. Bien sûr. C'est la bière. Et, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est les fondations. Oui. Tu as créé ces fondations bien. Après, tu pourras construire. Oui, voilà. Là, après, il faut avoir des gens qui construisent ces fondations. Mais sans fondation. Des gens. Mais ils ont des gens. Enfin, genre, OVH, c'est 1000 personnes. 3000, je crois, non? Non, là, non, mais là, OVH là, était... entier ou juste public là? Non, non. Déjà, alors, OVH Tech, déjà. OVH Tech, c'est 1000 personnes. Global, mais genre... Enfin, genre, concentrons-nous sur les fondamentaux, justement. Et d'ailleurs, c'est un point important, c'est que même aux États-Unis, Datadog, etc., c'est des gens qui tournent sur AWS. Oui. Et sans doute, ils Netlify utilisent... aussi, par exemple. Voilà, Netlify. Ils doivent utiliser que 5% des services d'AWS. Et pourtant, ils peuvent fournir derrière quelque chose de pertinent, de confiance, oui, etc., etc. Aujourd'hui, si jamais ils voulaient se lancer en France, clairement, il n'y a pas à l'heure actuelle d'acteur qui permet de faire ça. Ouais, parce que moi, j'ai envie de dire un truc, deux choses déjà. Sur ce que tu disais tout à l'heure, Michael, sur les checkbox des catalogues, ça c'est un truc vrai, c'est-à-dire qu'en France, on sort des produits juste pour dire on a le produit. Moi, j'ai vu des gens en France dire, des clouds français, on a Google Anthos. Mais ça n'a aucun sens. Il y en a plus en fait. Non, mais voilà. Non, mais je parlais même pas de l'offre OVH, etc. Je parle. Mais voilà, des fois, ça n'a aucun sens. Comme l'offre container as a service que je décrivais juste avant, il y a des gens qui disaient on a Fargate d'Amazon. Mais non, tu n'as rien du tout. T'as rien. Je veux dire, il n'y a pas de client. T'as même pas de client. Je veux dire, tu me l'as avoué. Je veux dire, à partir de là, voilà. Mais donc, il y a ce problème-là, c'est qu'il faut arrêter d'essayer de juste cocher des cases, sortir un produit pas fini pour dire, voilà, on a dans l'appel d'offres ce produit, alors qu'en fait, c'est pas vrai. Voilà, c'est faux. Vous avez un espèce de subset de produits, mais qui n'est pas utilisable en production. Ah, donc, c'est ça. Surtout assumer de faire de la simplicité. Ça, c'est le premier point. Voilà. Et surtout, le second point, c'est qu'en fait, le cloud, pour moi, c'est un vrai accélérateur de start-up. Et souvent, il y a beaucoup de critiques en France sur le fait que les startups françaises utilisent des cloud providers américains. Moi, j'ai un doute qu'on ait l'écosystème tech qu'on a en France sans les Américains. Je veux dire, aujourd'hui, on dit aux boîtes françaises, vous êtes forcés d'aller sur les acteurs français. Bah, globalement, non, mais il va se passer. Un central, les crédits. Enfin, un central. Alors, les crédits, c'est une chose. Non, mais les crédits, c'est une légende, mais il faut arrêter. Mais c'est mais surtout, les 100 000 cas. Non, mais. Je veux dire, les 100 cas. Pas les 100 000 cas. Non, mais les 100 cas, je veux dire, il y a plein de startups qui crament beaucoup plus, déjà. Mais surtout. C'est un non-sujet. Mais surtout, je veux dire. Sans parler des 100 cas, je veux dire, est-ce que vous voyez des grosses boîtes françaises aller, genre, sur le Vérac? Aller sur l'offre capsule de cube de Scaleway. Mais c'est de la science-fiction, si, là. Si, ça leur suffit. Aller sur Clever, après, où il n'y a pas de réseau privé. Je connais pas les offres. Non, mais si, ça leur suffit. Alors, tiens, regarde. Moi, je comprends pas. Je veux dire, je comprends pas comment Moi, il faut m'expliquer quand les gens disent on peut aller, voilà, on a tout le catalogue, machin. Mais clairement, parler aux ingénieurs, non, non, mais regarde, regarde. C'est intéressant ce que vient de dire Mathieu et la réponse de Cécile. Et du coup, on peut lier les deux. Moi, je parle pas cube. Mais tu vois, si, là, si, les offres françaises suffisent. Non, regarde, écoute bien ce qu'a dit Mathieu. Mathieu a dit une grande entreprise, allez sur ces offres-là. Donc, dans le mot, ça commence par une grande entreprise. Oui, mais moyenne. Une grande entreprise, non, mais prenons une grande entreprise. Une grande entreprise, la DSI d'une grande entreprise, c'est des milliers de personnes. Quel que soit le nombre, 2000, 3000, 5000, 10000, peu importe, même plus. Je dirais même 100, à partir de 100, 200, tu commences déjà. Non, mais 300, prenons, t'as dit une grande entreprise. Ouais, prenons une grande entreprise. J'aurais dû dire. Allez, une DSI de 4000 personnes. Et maintenant, tu vas chez un des quatre qui sont affichés sur le tableau. Ouais. Tu fais quoi? Tu crées 4000 comptes dans l'interface web? Et puis alors du coup tu payes quelqu'un à temps plein parce que t'as même les départs et les arrivées. T'as même pas de notion. Pour de compte, ceux qui ont en soi-disant un IAM, parce que la plupart n'ont pas d'IAM, donc le problème non, est réglé. Non, ils n'ont pas d'IAM, donc c'est réglé. Donc du coup tu fais quoi? Tu fais un compte partagé à 4000 personnes, tu donnes pas le mot de passe à ton voisin. On va rigoler 5 minutes là, je pense. Et ceux qui ont un IAM, qui du coup ne se connectent même pas en SAML ou en OIDC sur l'annuaire de l'entreprise ou n'importe. Tu fais quoi? Tu crées 4000 comptes à la main avec tes 10% de rotation. Tu fais un script batch de 5. Et tes 5 droits possibles. Compute admin, network admin, storage admin, les 5 droits qui existent. Ok, pour les grandes entreprises, ok, soit. Mais même moyenne, c'était je vais aller un peu plus loin. Les grandes entreprises, c'est elles qui ont de l'argent aujourd'hui. C'est elles qui ont justement ces contrats gigantesques, celles qui font tourner en fait les gros cloud providers. Et même des contrats à quelques centaines de milliers par an. Je veux dire, comment, quand t'as pas de réseau privé, ce qui est le cas d'un certain nombre d'acteurs français, comment tu fais tourner une architecture, même pas microservice, genre orienté service? T'as deux services, deux applications à faire tourner. Expose ta base de sur Internet. Non, mais voilà. Voilà. Non, mais voilà. Non, mais c'est ça que je veux dire. Après, t'as VPC, tu vois, chez nous, on fait de l'infogérance. Et genre, ce qu'on pourrait définir VPC chez nous, c'est un VLAN. Tu vois? Et ça, c'est notre définition. Mais c'est même pas une définition. C'est-à-dire que c'est une implémentation technique d'un VPC. C'est ça. Mais c'est un choix d'implémentation. Mais parce que nous, on fait pas de cloud. Mais je veux du Security Group. Voilà. Je veux du Firewall. C'est que t'es la moindre entreprise. T'as un serveur d'application et une base de données. Si tu n'as pas de réseau privé, ta base de données est exposée sur Internet. Ou bien deux services. C'est-à-dire, un truc très classique aujourd'hui dans l'industrie, c'est d'avoir une API gateway, souvent maison, parfois, du moins, des services en back-end, c'est-à-dire qui sont exposés. Tout à fait. Et ces services communiquent parfois entre eux-mêmes directement. Et ben ça, c'est rien que ça, ce besoin très très simple, ne tourne pas sur la majorité des clubs français. Ça peut être un seul VLAN, et je pense que... Si chez nous on le fait, c'est que c'est public là, tout exposé sur Internet. Non, mais moi je te parle d'un VLAN, c'est un VLAN privé. Alors, avec un réseau privé. La question c'est aussi, donc la question pourrait être, il y a des gens qui l'utilisent, le OVH et tous ces cloud providers français. Oui, bien sûr. C'est quoi cette part à l'heure actuelle du cloud? Parce qu'en fait, on parle du problème. Nous là, on est en train de dire, voilà, il y a un problème. Mais en fait, si jamais on n'est que deux gus dans un garage à être chez AWS, en effet, en fait, il n'y a pas de problème. C'est genre, on serait des gens qui sommes vraiment très aigris de ne pas être dedans. Quelle est la part aujourd'hui? Est-ce qu'on l'a, ce chiffre, de la part des cloud providers français dans le marché? C'est-à-dire, on prend toutes les entreprises. Combien elle paye dans le cloud? Je vais le prendre pour moi, parce que moi j'ai des chiffres. Voilà, c'est ça. C'est un peu dirigé. Donc je vais le prendre pour moi. Donc, spoiler. Le marché cloud français, c'est Yaspass, c'est environ 3,3 milliards d'euros. Donc ça, quand tu parles de marché, c'est pas un marché potentiel, c'est ce que payent les entreprises? C'est le montant du marché cloud, je crois, de l'année dernière. Me prenez pas 6 mois près, mais en gros c'est ça, c'est l'année dernière. Donc 3,3 milliards d'euros pour le Yaspass. Là-dedans, on a un acteur, par exemple, je vais les prendre dans la liste, on va prendre le premier, donc c'est OVH Cloud. OVH Cloud, ils font 660 millions d'euros de chiffre d'affaires au niveau mondial, 50% en France, 52% pour être précis, mais on va prendre 50%, donc ça fait 330 millions. Le public cloud, c'est 14%. Des 300 millions? De 330 millions. Le public cloud en France d'OVH, c'est 50 donc millions, c'est moins de 50 millions. Quoi. Donc je ne veux pas vous faire 3,3 milliards sur 50 millions, vous ferez le calcul, mais ça ne fait pas lourd en part de marché. Donc, et c'est un gros acteur. Et c'est le plus gros acteur. Après, pour un côté cloud public, OVH, pour moi, c'est un cas à part. Quoi. Non, OVH, ouais, c'est 60% de leur chiffre d'affaires. Non, mais du coup, en fait, c'est du private cloud de VMware. Oui. Faut le prendre. Scaleway, ils font à peu près 80-90 millions de CR. On n'a pas la répartition. L'avantage d'OVH, c'est comme ils sont en bourse, en fait, c'est facile d'avoir les chiffres, parce qu'ils sont obligés de les publier. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Scaleway, du coup, on n'a pas les chiffres détaillés. Par contre, Scaleway, à l'échelle globale, c'est entre 80 et 90 millions d'euros de chiffre d'affaires. La répartition entre l'hébergement donc historique et le cloud public, je la connais pas, mais c'est plutôt minoritaire quand même sur le cloud public. Par contre, j'ai pas les chiffres précis, mais on voit que même si c'était ne serait-ce que la moitié, déjà ça fait pas non plus gros dans le marché. Alors, Outscale, j'avais leurs chiffres, mais là, de tête, je les ai plus, mais c'est petit. Et puis, alors, Clever Cloud, c'est inexistant sur le marché. C'est entre 0,1 et 0,5% du marché. C'est inexistant. Donc, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, quand des gens disent non, mais les cloud providers, ça suffit. Enfin, ça suffit pour la plupart des gens. Quand on voit le marché, c'est pas vrai. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, le marché a décidé d'aller. Attention, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Non, mais là, j'ai donné des chiffres. C'est juste pour qu'on puisse dresser le tableau. Maintenant, l'ensemble de ces cloud providers, ils ont du chiffre d'affaires et donc c'est qu'ils ont des clients et donc ils répondent à des besoins. Alors, ils répondent à des besoins. Mais en fait, c'est genre, nous à l'heure actuelle, on se dit que il y a une majorité de gens. Enfin, en gros, les cloud providers français pourraient récupérer une part de ce gâteau-là plus importante. C'est-à-dire que Oui, tout à fait, ils pourraient tout à fait récupérer. Il y a des parts de marché à prendre. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, genre, il y a pas 90% des gens qui sont dans les cloud FR et 10% qui vont chez les GAFA. Et on est vraiment dans une répartition qui est plutôt d'ailleurs. Là, j'ai quand même fait que le cloud public. Là où les chiffres changent un peu, c'est si on rajoute la partie cloud privé, puisque du coup, OVH est plutôt très fort sur la cloud privée. D'ailleurs, je pense même que c'est probablement eux qui ont le plus gros chiffre d'affaires sur ce sujet-là. C'est 60% en fait de leur chiffre d'affaires. Donc si tu prends les 350 millions ou 340 millions qu'ils font en France, bah tu fais 60% et donc du coup là c'est pas du tout négligeable. Enjoy VMware. Autre interprétation qui est possible, c'est que peut-être que les gens sont plus intéressés par faire du privé que par faire du public. Alors c'est une bonne remarque. J'ai eu la répartition, je ne l'ai plus. Donc je dirais une bêtise, mais peut-être que simplement on préfère faire du privé parce qu'on aime bien garder nos petits trucs pour ça que faire du public. En tous les cas, le cloud public est quand même en termes de volume d'affaires, c'est beaucoup plus important que le cloud public. Donc dans tous les cas, les boîtes privilégiées, alors as-tu d'y aller? Non, mais tu vois, par exemple, tu vois, dans le cas OVH. Peut-être que les gens préfèrent ont plus confiance en VH pour du privé que du coup c'est possible parce que je pense que pour le coup si tu veux sur l'offre public cloud à mon sens private cloud pardon OVH ils sont quand même très en avance et je suppute plus que fortement que même ils en vendent encore plus que AWS en France de leur offre VMware parce que du coup il existe VMware en AWS VMware en Google Cloud ils ont copié ce qui est marrant c'est que pour le coup c'est les Américains qui ont copié les Français sur cette affaire là parce que les premiers c'était quand même OVH et ça a été copié la petite histoire dit alors est-ce que c'est vrai ou pas je sais pas mais la petite histoire dit que justement c'était le CEO d'AWS à l'époque qui avait vu ce qu'avait fait OVH sur VMware et qui était voir VMware et qui a dit il faut que vous me fassiez la même chose quoi. Est-ce que c'est vrai? La légende. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Ouais, c'est étonnant. Donc, oui, en effet, mais le but étant maintenant de se dire, comme le marché. Ok, les cloud providers ont l'air d'être bons sur ce marché du cloud privé, mais genre, comment maintenant ils arrivent à le faire sur le cloud public? Surtout qu'en plus, quand on parle de cloud privé, on parle quand même d'un cloud privé, comme on l'a dit, sur VMware. Nouveau souveraineté, si jamais on suit exactement cette partie logicielle. C'est un point important aussi à rappeler sûr, là-dessus. Il y a aussi un point quand même que j'aurais souvent, beaucoup remis un petit peu l'église au centre du village sur des communications des cloud providers français qui sont un petit peu erronées. Mais je pense qu'il faut aussi équilibrer les choses et le dire quand les cloud providers américains communiquent des choses qui sont. Je ne vais pas dire erroné parce que c'est pas exagéré, faux, mais en tous les cas qui sont utilisés à leur avantage de communication. Et il faut aussi le dire, et donc c'est important de le dire, quand les cloud américains communiquent sur leur effort de R&D, je pense qu'il est important d'expliquer ce que ça veut dire et de se rendre compte que ce n'est pas tout à fait les volumes dont on discute quand ils donnent les chiffres. Je ne vais pas douter, moi, les milliards d'euros de R&D qu'ils donnent sur le cloud, j'ai aucun doute du chiffre, je ne suis pas comptable, donc je vais considérer que le chiffre qu'ils donnent, il est bon. Par contre, la seule chose que je sais, c'est que le cloud, ces investissements-là, en fait, sont deux éléments. Tu as une partie qui est fixe, qui est un coût fixe, développer ton service, par exemple, créer le service, ça, c'est un coût fixe, et tu as le coût variable. C'est-à-dire que tu achètes des infrastructures dans tes serveurs, mais ce coût, il est variable, parce qu'en fait, c'est plus tu as de clients, plus tu achètes de ces serveurs. Et donc, si tu voulais vraiment rééquilibrer les choses au-delà, abstraction faite des parts de marché, ce qui serait logique, en fait, pour mesurer les efforts de R&D de chacun, il faudrait que tu compares les coûts fixes. Les investissements fixes, en fait. Okay. Mmh. Et pas rajouter les investissements variables, parce que si tu as 99% du marché, forcément, tu te remplis de serveurs. Mais peut-être que tu as mis 1 milliard pour développer des nouveaux services, et peut-être que ton concurrent, il a mis 2 milliards, mais s'il a zéro client, on a l'impression qu'il a fait 2 milliards et toi 45. Ouais. Alors que, du coup, tu biaises l'affichage des chiffres. Donc, autant faut rééquilibrer les choses de part et d'autre. Quand les cloud providers français utilisent des chiffres ou des informations erronées, il faut le dire. Quand c'est l'inverse, il faut aussi le dire. Il faut être équitable sur l'ensemble des tableaux. Un point aussi là que je vais revenir, c'est d'ailleurs une critique qu'on nous a fait la première fois sur Twitter, et là d'ailleurs ça a été refait en commentaire, c'est « Ok, bah faites-le vous-même ». C'est genre nous là autour de la table, c'est genre on critique assez facilement, mais justement c'est un point que j'ai soulevé, là-dedans. Autour de la table, on n'a absolument que des gens qui ont travaillé ou travaillent justement sur des alternatives et sur des choses qui ont été faites. Je vais d'abord commencer par moi. Moi, j'ai travaillé chez CloudWatt. À un moment où, donc en 2014-2015, là, si on veut parler de SDN, eh ben, on avait un SDN. Alors, il marchait pas, mais à la fin, il a marché. On avait un OpenStack, pour le coup, qui était full complet, c'est-à-dire qu'on pouvait utiliser un provider OpenStack, il était entièrement fait. Et en fait, on a été tué par qui ? On a été tué par la communication d'OVH et la communication, entre autres, la communication d'OVH et de tous ces cloud providers français. C'est-à-dire que, on a fonctionné. Donc, moi, personnellement, j'ai fait ma part. J'ai même essayé d'améliorer les cloud providers français en leur proposant de l'aide sur les offres Kubernetes pour justement éviter ces écueils, on va dire, quand on commence ça là-dessus. Donc voilà. Et demain, d'ailleurs, et c'est d'ailleurs tout ce que j'ai toujours dit aux cloud providers français, si quelqu'un vient me voir, je suis indépendant. S'ils viennent me voir pour avoir des conseils, pour pouvoir les aider sur leurs offres, sur le développement, sur n'importe quoi, je serai là pour les aider. Et même d'ailleurs, je serai même largement capable de leur faire des offres pour ça. Donc, voilà. Si on demande, moi, qu'est-ce que je fais à ce niveau-là, j'ai fait ça. Et Mathieu, je sais. Moi, j'ai travaillé presque 4 ans chez un cloud provider européen qui s'appelle EgoCL, où j'étais team lead. Mon équipe gérait plusieurs projets. J'ai écrit un bon bout des codes des orchestrateurs qui gèrent la plateforme, notamment les produits Instance Pool, Load Balancer, Kubernetes as a Service, réseau privé. Très, très bonne offre Kubernetes d'ailleurs, je vous invite à tester. Je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai faite, mais voilà. Non, mais probablement la meilleure européenne. Voilà. Si on peut dire les petits détails. Franchement, pour un truc qu'on a fait à 2-3 dans un coin, je veux dire, je comprends pas pourquoi les OVH et Scaleway arrivent pas à faire mieux. Enfin, moi, c'est un truc qui me dépasse. Bref. Donc, tu as fait ta part en tout cas en européen, on considère les Suisses comme européens. Voilà, c'est ça. Mais bon, on est aussi dans d'autres pays. On est aussi en Allemagne. Enfin, ils étaient, de moi, je ne suis plus en Bulgarie, Allemagne, Autriche. Enfin, voilà, c'est en Europe centrale. Mais donc, tu as fait ta part de la souveraineté européenne. Je fais beaucoup de retours chez les cloud providers français également, c'est-à-dire par mail ou autre. Cécile ? Alors, moi, je ne parle pas Cube, je ne parle pas Docker, mais je fais en sorte que les gens qui parlent Cube autour de moi n'oublient pas que le plus important, c'est qu'il y ait des data centers, qu'il y ait du réseau et des serveurs et des routeurs pour faire fonctionner tout ça. Mais non, mais même, tu travailles dans un monde avec des routeurs, enfin, des routeurs et des serveurs pour le coup. Donc, mais je ne parle pas Cube, donc. Cube, c'est une offre par-dessus, en fait. Quand on dit, par exemple, se reposer à la base, c'est que toi, à l'heure actuelle, tu offres des services de VM et de machines. Infogérés, faits par des humains, avec amour, tout ça, quoi. Voilà. Non, mais ça veut dire que, genre, tu propose une alternative. C'est ça que je veux dire là-dedans. On n'est pas juste des gens qui critiquons et qui ne faisons rien. C'était ça que j'essayais de dire. Bon, Mickaël. Okay, donc, moi, dans l'historique, j'ai notamment travaillé avec OVH sur la construction d'une offre qui s'appelait Cercle 2, qui n'a jamais vu le jour. C'était la stratégie de Mounir Majoubi à l'époque, ancien secrétaire d'État numérique. Alors, on peut refaire le podcast de la dernière fois, si tu veux. C'était la stratégie des cercles, mais c'était Cercle 1, Cercle 2, Cercle 3. Exactement. Au pire des cas, on va mettre un lien avec une petite étoile. Ça évitera qu'il dure ce podcast dure 8 heures. Oui, je m'en rappelle. Et surtout, je vois actuellement, en fait, je suis en train de... Alors, je ne sais pas si on considère que c'est une offre française ou pas, mais moi, je la considère comme française en tous les cas. Je construis l'offre de cloud de confiance Google Thales. Et je vois du coup tout ce qu'on est en train de construire, en fait. Et je me dis, contrairement à ce que beaucoup veulent faire croire, c'est pas je prends le code de Google et je fais suivant. On est des dizaines de personnes, on va monter à plusieurs centaines, plus d'une centaine largement, juste pour construire les services qu'on a besoin à côté, les services de sécurité, de confidentialité. Et on récupère l'intégralité de la stack de Google. Donc la stack interne, je suis pas en train de parler de récupérer Kubernetes ou je ne sais quoi. On récupère du coup Borg, Colossus, enfin tout ce qui fait aujourd'hui tourner Google. Et du coup, je travaille beaucoup avec les services team de Google. Et honnêtement, je veux pas dire que le match il est perdu, mais quand on voit les efforts technologiques qui sont faits, le niveau de R&D et de maturité de ces solutions là. Très sincèrement, je vais redire ce que j'ai dit la dernière fois. Pour moi, ça ne sert à rien de mener la guerre. C'est perdu d'avance, en fait. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'était si moi j'étais, on va dire, si quelque chose d'un cloud provider français, je chercherais pas à courir derrière ces gens-là. Aujourd'hui, ce n'est pas faisable. Aujourd'hui, si tu veux, tu as l'équipe B de Dijon et tu veux jouer le PSG. ok, tu peux jouer le PSG, mais ce qui vaut mieux, peut-être, c'est à ce moment changer de sport. Ouais. Non, mais c'est ça. Donc, c'est-à-dire. Non, mais attention. Ce que je disais au début sur Datadog, sur les métriques, les logs. OVH, ils sont super bons sur l'infrastructure. Ils sont super bons sur le bare metal. Franchement, pour moi, c'est les meilleurs sur le bare metal. Et ils sont super bons sur le private cloud. Ils se concentrent sur ce produit-là. Et plutôt que d'aller cramer un gaz ou une énergie pas possible à essayer de rattraper AWS, Google, Azure ou je ne sais qui sur le public cloud, ils feraient mieux de miser sur ce qui va remplacer le cloud dans 5 ou 10 ans. Donc, ils gardent leurs acquis sur ce qui sont bons, là où ils sont les meilleurs. Ils s'améliorent d'ailleurs encore dessus, pour être encore meilleurs dessus, prendre l'argent de ce marché-là, et le reste, plutôt que de l'investir à fond perdu dans une course perdue d'avance, en fait. Et c'est comme je disais tout à l'heure, c'est pas faire 10 millions de services, c'est en faire 5 et très bien. Non, mais même plus. C'est-à-dire que même presque pas de cloud public. Et de se dire, bah, tout cet argent que je mets dans le développement du cloud public, je vais la mettre à développer. Ils auraient fait ça il y a 5 ans, oui. Ils auraient créé Cloudflare. Et, oui. Et du coup, tu prenais le marché. Ouais. Et ben maintenant, qu'ils mettent cet argent-là pour faire le Cloudflare de dans 5 ou 6 ans. Encore une fois, c'est mon opinion personnelle. Oui. Si moi, j'étais si quelque chose, ce que je ne suis pas... Oh, du coup, par quoi pour être premier dans 5 ans? Avoir un peu de vision. Honnêtement, j'ai dit un truc. C'est pas le bon endroit pour le donner, mais il y a des endroits... Enfin, il y a des tas de marchés qu'on pourrait considérer comme du cloud. Cloud sans charge, de toute façon, on met oui. Tout dans cloud maintenant, alors on peut l'appeler comme du cloud, mais qui ne sont pas adressés. Donc, je ne vais pas vous donner, par exemple, de détails d'implémentation, parce que j'ai un truc en tête. Il va créer sa startup bientôt. Non, c'est une maquette que j'ai fait en interne sur un projet Thales pour démontrer que c'était faisable, mais en tous les cas, ça marche. Et c'est un des sujets, par exemple, qui pourrait être un truc intéressant dans quelques années, c'est qu'aujourd'hui, on se regarde tous le nombril en parlant développement web avec mes conteneurs, pam, pam, poum, ouais. Poum, je te démarre mon application. Donc ça, c'est un pan de l'informatique. En fait, nous, on n'adresse que ce pan-là de l'informatique. Mais l'informatique, c'est plein d'autres choses. T'as l'informatique industrielle, t'as le développement des cartes électroniques, t'as tous ces éléments-là. Et aujourd'hui, tous ces systèmes-là, ils sont faits comment? Ils sont encore faits à l'ancienne, en fait. Ça existe, un cloud du développement de la carte électronique? Un cloud de l'IoT aussi. L'IoT, ouais. Déjà, je pense qu'il y en a pas mal sur le créneau, mais juste développement, oui. Développement de matériel hardware. Ouais. Ça existe un cloud de faire qui est ça? Ou des conteneurs Docker de matériel hardware? Non? Pourquoi pas? Pourquoi tu pas. Peux inventer le marché de demain, quoi. Mais en fait, des trucs, il y en a plein. Oui. Mais c'est juste qu'il faut mettre... Tu travailles à ressources finies, donc tu prends tes ressources et tu les mets... Et il y avait un autre point aussi dans l'aide, dans le projet Sense, c'est... On a parlé de confiance tout à l'heure, c'est si jamais on a beaucoup d'ingénieurs français, donc plus d'une centaine dont tu parlais, qui vont travailler sur des produits type Google, etc., ça peut aussi servir à polliniser... Alors, malheureusement, il y en aura sans doute une partie, malheureusement, heureusement, une partie qui ira chez eux, forcément, à un moment donné. Et il y a aussi une autre partie qui va finir dans d'autres startups. Bah, quoi, tu dis chez eux, chez Google? Chez Google. Non, je pense pas, non. Pour plusieurs raisons, c'est que déjà, bon, il y a des contrats qui sont ficelés, ça, c'est le premier truc. Mais surtout, le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de team SRE, il n'y a pas de team de SRE chez Google en France. Donc du coup, ça veut dire que je ne dis pas qu'il n'y en aura pas trois qui vont déménager en Californie. Sur la masse, il arrivera toujours, mais ça sera probablement moins que l'épaisseur du trait. Non, mais je préfère le dire, histoire d'eux, mais ça permettra aussi d'avoir des gens qui vont après aller polliniser dans d'autres startups. Mais c'est ça le sujet, en fait. Oui, mais c'est-à-dire, c'est augmenter le confiance. Quand aujourd'hui, j'ai des gens qui me disent « Non, mais OVH, ça me suffit », mais moi, je me dis « Mais genre, quel est ce besoin, justement ?» Enfin, genre, c'est quoi cette suffisance qu'on a? Tu vois, c'est comme moi, j'entends, aujourd'hui, en disant... Ça, c'est quelque chose qui me déplaît profondément, parce que je trouve que c'est particulièrement faux. C'est de dire, bah voilà, quand on prend une offre comme Sense, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des logiciels américains et ils le package. Genre, le sujet est beaucoup plus complexe que ça, et en fait, du coup, on joue pas aux cartes tous les jours. Et on a beaucoup de choses à faire, donc c'est beaucoup plus complexe que ça, et ça nécessite notamment de développer et de construire énormément de choses. Mais bon, on va pas s'étendre là, parce que c'est pas le sujet. Mais par contre, quand on sous-entend en dire les cloud providers français, ils créent leur propre technologie, ils développent leur système, ils développent leur logiciel, etc., alors que là, tout ce savoir-faire logiciel, on va le récupérer, oui. Et on va le faire, on prend la liste là. Alors, ceux qui le disent le plus, c'est Clever Cloud. Mais Clever Cloud, ils développent quoi, en fait? Non, parce qu'en fait, moi, il n'y a pas de problème. On peut regarder Clever Cloud, mais Clever Cloud, c'est quoi? C'est du Linux, ils ne développent pas Linux. Et ça tourne avec du RabbitMQ et du Pulsar. Et je ne pense pas qu'ils développent RabbitMQ et Pulsar. Non, enfin, je peux me tromper, hein, mais je pense pas, non. Postgre. Si tu veux, ils font leur stockage avec du Ceph. Du Ceph, ouais, du Rados S3, ouais. Gateway, Rados Block Device. C'est pas eux qui le développent. En fait, ce qu'ils font. Question qu'on peut poser. Je veux dire, c'est des intégrateurs. Du coup, ils intègrent des choses. Du coup, c'est très bien ce qu'ils font, mais c'est de l'intégration. Et du coup, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que l'open source ça a réglé le problème des clous français. Alors, ça c'est si on open source tout. Si on open source tout, ça veut dire que tu peux interopérabiliser. Oui. Moi, je suis totalement d'accord. Du coup, tu peux faire du comme AWS, comme tu ferais du Scalway, comme tu ferais de l'OPS. Et bah là, on peut dire quoi? Kubernetes. C'est ce que je juste dire. Oui, c'est un exemple. C'est pas moi qui ai dit. T'as ramené l'implémentation du Kubernetes. C'est déjà, voilà. Ce que je voulais juste signifier par là, c'est que le discours qui consiste à dire nous, on développe nos propres technologies, on les construit, ils ne développent pas de logiciels ou très peu. C'est-à-dire qu'ils développent effectivement de l'orchestration, trois petits trucs. De l'orchestration derrière, de l'orchestration de machines virtuelles, de l'orchestration de bases de données. Ils intègrent des briques open source, c'est un travail d'intégrateur. Et c'est pas pour négliger le travail d'intégrateur, j'en ai fait beaucoup, c'est des choses très compliquées le travail d'intégrateur. Tu as dû en faire aussi chez Exoscale. Et c'est un vrai métier, c'est un vrai travail, c'est un vrai savoir-faire. Mais il y a une différence entre faire de l'intégration de composants open source entre eux et développer key value store distribué que tu développes toi-même. C'est vrai que tu développes pas Spanner comme tu mets Postgre as a service. On est d'accord. Je suis d'accord avec ça. Et entre développer son propre système Paxos, multi-data center, c'est une compétence. Intégrer Zookeeper avec son logiciel ou etcd, c'en est une autre. Mais c'est après, juste chose. Pour finir le tour de table, parce que du coup, oui, voilà, on est parti dans le truc. Je t'avais pas oublié. Non, mais du coup, moi, j'ai été pendant 2 ans référent sur Scalway, pour ça je connais bien, dans une ESN française pour justement aider à promouvoir un peu ce qu'ils faisaient et aussi servir de centralisation pour les retours et le support technique de la part des consultants sur les offres-là. Donc, j'ai pas mal participé là-dessus. Sur mon blog perso, j'ai fait de nombreux tests. La part des nuages, j'avais fait un test. On a parlé de Scalway, j'en ai déjà fait 2 ou 3, je crois, des articles sur des tests de service. Là, je suis en train de tester OVH. Je travaille actuellement à Waze. On a beaucoup de clients sur OVH assez historiquement. Et ce qu'on a dû faire et ce qu'on continue à faire, c'est développer toute une série de tooling. Donc, globalement, on développe en gros tout le tooling qui manque à OVH. Donc, on participe déjà beaucoup à ça pour en fait faciliter l'utilisation. Donc c'est des trucs que je connais bien et j'ai pas participé à la communauté là-dessus. Et du coup, pour en revenir sur ce qu'on disait, non, j'ai oublié ce qu'on disait avant, c'est mon organisation, alors là elle commence à mal fonctionner. Mais ce que je voulais rebondir déjà tout à l'heure, c'est qu'on disait il y a des gens qui arrivent à être satisfaits d'OVH et on peut trouver ça choquant. En fait, je pense qu'il y a un truc et quelque chose auquel je pense depuis maintenant quelques mois, on va dire, et je m'en rends de plus en plus compte que j'essaie de discuter. J'ai fait beaucoup d'entretiens, moi, y compris des entreprises où je savais que ça, techniquement, j'avais un très gros doute sur le fit, et je me rends compte que il y a beaucoup d'entreprises qui font un peu les choses à l'arrache ou à l'ancienne, où ils prennent du bare metal, ils font un apt-get install Nginx, ils mettent leur site dessus et ça tombe en marche, quoi. Et globalement, ils vont pas chercher plus loin. Et pour le coup, faut pas oublier que ce marché-là existe aussi. Il restera quand même, je pense, à un certain niveau pendant très longtemps, même si c'est un problème et un risque pour les entreprises, pour le coup. Alors, je vais rebondir sur ça. Moi, sur Twitter, une fois, j'avais dit un truc du style, il y avait des gens de Clever Cloud qui l'avaient, je crois, un peu mal pris. J'ai dit, en France, il n'y a pas le marché pour les power users. Il y a un truc comme ça. Et en fait, c'est un peu ce que tu dis, c'est qu'en gros, moi, des fois, il y a des gens qui me font la leçon. Genre, je vais t'apprendre à faire de l'infra, en mode, moi, je gère un WordPress chez OVH ou chez Scaleway ou chez OutScale ou chez Clever. Donc, ton infra avec, 400 services et, en gros, 500 machines, etc. Elle est censée aussi marcher sur ces environnements-là. En fait, c'est pas du tout les mêmes besoins. Et même pour aller un peu plus loin, c'est aussi des discussions que j'ai eues avec des dirigeants et des employés de cloud providers français. C'est que moi, j'en ai marre en tant que tech français que des cloud providers français me viennent faire la leçon et me disent en tant que client potentiel, en fait, je suis un guignol parce qu'en fait, les produits qu'ils ont pas, en fait, pour eux, j'en ai pas besoin. C'est-à-dire, c'est en gros, j'ai été intoxiqué par le marketing des GAFAM, c'est ce qu'on m'a appris à l'école. Et en gros, je suis un gros guignol et en fait, j'ai pas vu la lumière et en fait, ils ont tout ce qu'il faut. Mais pour ça je vais pas chez eux parce qu'en fait j'ai pas envie d'être pris pour un con et je parle à des gens en privé, voilà, des gens qui vont pas forcément s'exprimer sur les réseaux, etc. Il y a plein de gens qui veulent pas entendre parler des clouds français parce qu'ils en ont marre en fait d'avoir des jugements de valeur de ce type, notamment quand on travaille pour des startups françaises qui sont très souvent, c'est vrai, chez les GAFAM. On n'a jamais vu nous des clouds français venir nous parler, enfin, moi ça m'est jamais arrivé, Et derrière, les gens comprennent pas nos besoins. Souvent, sont complètement à la rue. Quand on parle avec eux, ils savent même pas de quoi on parle. Je veux dire, ils sont à des années-lumière. Et donc, voilà, je voulais quand même dire ça. C'est que moi, j'en ai un peu ras-le-bol de tout ça. Et ça me saoule bien, on va dire, d'être pris pour un idiot. C'est vrai que la logique, souvent, c'est... dis-moi ce dont tu as besoin, je te dirai comment t'en passer. Ouais, c'est ça. Non, mais Cube, t'en as pas besoin. Les réseaux privés, t'en as pas besoin. Les security hoops, t'en as pas besoin. L'autoscaling, non, t'en as pas besoin. Mais c'est vrai, rentre chez toi, mon gars. C'est vrai qu'on en a pas besoin en tant que tel. C'est vrai qu'on peut faire sans. C'est juste qu'on va faire mal. On va faire de la merde. Sans voilà. Réseau privé, il y a des limites quand même. Techniquement, tu peux, mais c'est pas bien. Mais voilà, et en fait, c'était ça un peu que j'aimerais aussi reprendre, c'est le fait que on doit essayer d'améliorer notre qualité. On doit essayer, mais quand on dit on, c'est genre toute notre tech française, on doit hausser notre niveau. C'est-à-dire que si jamais demain, on veut encore continuer d'être compétitif sur la scène internationale, à tout niveau d'ailleurs, aussi bien notre cloud provider que les entreprises qui se reposent dessus, on doit hausser notre niveau de qualité. Moi, genre l'expérience que j'ai eue, et c'est vrai que j'en ai parlé je crois une fois sur Twitter, c'est que moi, les deux dernières expériences que j'ai eues avec OVH et Scaleway, c'est des VM qu'on m'a fournies, qui ne marchaient pas et qu'on m'a facturées. Quand je vais dans un cloud provider américain, si je fais ça, j'ai instantanément un pardon et des crédits. En disant, désolé, oui, en effet, c'est de notre faute, on vous a fourni quelque chose qui marchait pas. Là, j'ai dû aller 5 fois sur le support, ça a duré 1 an, j'avais clairement pas que ça à foutre de mon temps, et j'ai jamais eu un pardon, etc. Donc quand on parle du support, on parle aussi de toute cette partie-là, on parle aussi de cette partie customer relation. C'est quelque chose qui est fait chez le cloud provider, même si leur service est pas bon d'ailleurs. Au moins ils disent pardon et ils vont faire quelque chose pour s'améliorer. C'est une partie humaine en fait finalement. Voilà. Et même c'est de l'humanité en fait. Et même de la partie commerciale en fait, on n'y pense pas. Quand on fait des appels d'offres, j'ai fait des appels d'offres avec plusieurs clouds où il y avait un mix cloud français et cloud américain. La réponse entre un cloud français et la relation commerciale entre un cloud français et un cloud américain, elle est totalement différente. Moi j'ai l'impression que les clouds français, on travaillait pas ensemble, qu'on était un peu opposés. Genre, je devais pousser pour avoir les éléments du dossier et tout, alors que des grosses boîtes, bon, là, c'était AWS et Azure de mémoire, eux, en fait, le commercial était en mode, comment je peux t'aider, même si je dois te fournir des éléments. En fait, c'est la vision client, fournisseur et partenaire, tu vois. Ouais, mais du coup, dans le choix, ça aide pas, quoi. Quand t'as une relation déjà conflictuelle, où je prends un exemple très con et je citerai aucun cas, moi, je citerai pas avec qui c'est arrivé, mais j'ai eu le cas où on avait un besoin, c'était d'être certifié de mémoire ISO 27001. Ouais. Donc c'est quand même une certif assez basique, mais du coup, nous, on a dit, nous, on a besoin d'être certifié ISO 27001, on a demandé à un cloud français. Cloud français, il a fait, je suis certifié, mais que sur un service. Genre, on a fait, ça nous arrange pas. Et ils ont fait, oui, mais vous pouvez passer l'ISO 27001. Oui, mais sauf que moi, j'en ai besoin pour répondre à un appel d'offres répondre à un appel d'offres rapidement. Donc, je vais pas avoir le temps de mettre tout en place pour l'ISO 27001. Le but, c'est que je puisse au moins dire, mon fournisseur est ISO 27001, nous, on va se faire certifier à terme. Et c'est le genre de cas où ils disaient, c'est pas notre problème, c'est votre problème. Là où AWS ou autre, ils étaient certifiés, mais même s'ils étaient pas certifiés, ils auraient à tout prix essayé de me trouver des éléments pour faciliter cette relation. Ouais, et puis on va pas dire, t'as tort. Parce que les clubs français sont capables de dire, non, mais en fait, t'as pas besoin d'être ISO 27001. Oui, mais... t'as pas besoin du produit. Non mais écoute comment on fait. Enfin moi j'ai beaucoup... des jugements des fois. Je me dis mais c'est pas possible. On travaille pas dans la même industrie quoi. Ouais. Est-ce que vu qu'on parle de relations clients, il y a quand même un truc aussi qui est important, c'est que j'entends souvent, notamment les cloud providers français, dire on écoute le retour de nos clients. Donc, je suis très content. Pourquoi? Alors pour le coup, je vais pas rebondir là-dessus. Tu vas voir. Je vais leur laisser le bénéfice du doute et qu'ils écoutent leurs clients, c'est très bien. Mais je pense qu'il est aussi important et encore plus important d'écouter ceux qui ne sont pas clients. Parce qu'écouter son client, c'est très bien, c'est pour savoir ce que tu vas faire ton produit. Mais ce qui est encore plus important, c'est pourquoi les autres ne sont pas venus chez toi. C'est eux qu'il faut écouter. Clairement. Plutôt que de, aussi de leur tirer dessus en permanence, de dire non, mais attendez, c'est parce que vous êtes nuls. Vous n'avez pas vu que. Non, c'est. Je veux dire, le truc, moi, ce qui me rend dingue, c'est. Il nous faut des retours clients. C'est vrai. Moi, je travaille chez un cloud provider, j'adorerais avoir des retours clients. Par contre, je vais prendre des exemples. Voilà, je ne vais pas dire de nom non plus, je vais faire comme Damir. Un cloud provider, ça fait 10 ans que tu lui dis il faut une CLI et qui te sort encore en 2022, je l'ai vu. Ouais, il faudrait un retour client pour dire qu'il faut une CLI, ou bien il faut un retour client pour avoir un Terraform provider, ou il faut un retour client pour que mon kubelet de Kubernetes soit pas exposé à poil sur Internet. Je veux dire, il y a aussi des bonnes pratiques de l'industrie. T'as pas besoin d'un retour client pour oui, te dire qu'en bon gros, sens, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. En gros, je vais travailler chez toi. Je veux dire, embauche-moi et je vais t'apprendre comment construire un cloud. Ce que je voulais signifier par là, c'est que c'est important. Oui, c'est très important. Mais aussi d'écouter ceux qui ne t'ont pas retenu. Mais moi, je comprends pas. Pourquoi dans les appels d'offres, je me suis fait poutrer. Et donc, d'aller voir celui qui a fait l'appel d'offres. On est sur des tellement basiques. Pour moi, on est sur des sujets sur les clouds français, des manquements tellement basiques au niveau tooling, etc. En gros, c'est même pas des retours clients, c'est mais déjà implémente le standard de l'industrie. Ou les bonnes pratiques, ou du bon sens. Mais de base, c'est-à-dire genre tu fais le cloud computing 101 à la fac, tu vois, viens implémente ça, tu vois. Et après, on pourra discuter de retours clients. Et moi, je comprends pas qu'il n'y ait pas en interne quelqu'un qui dise il y a vraiment besoin d'un retour client pour dire faut une CLI. Mais parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Mais il y a cette notion. Moi, je refuse d'y croire. Il y a cette notion de non qualité. C'est bien, il y a un article qui est tombé là-dessus, donc allez voir, c'est sur le syndrome du canard. Et génial. C'est exactement ça. Cette chose où on s'habitue à une mauvaise qualité interne. Et genre, là, on pourrait parler des cloud providers, mais ça marche avec la SNCF, ça marche avec plein d'autres structures. C'est pas du tout lié uniquement à ces acteurs-là. Mais en effet, il y a une logique de, en fait, quand on est sous l'eau, quand on est habitué à avoir eu de la mauvaise qualité, à avoir eu des problèmes, on s'y habitue, ça devient la règle et ça devient la norme. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a des clouds, à mon avis, qui vivent sur un vivier de clients historiques, qui se rendent même pas compte de tous les manques qu'il y a. Et moi, je pense encore une fois que ce qu'il faudrait qu'ils fassent, et ça, c'est au niveau des cloud providers, qu'il y ait des personnes qui soient dans les responsables produits techniques, qui s'amusent à, par exemple, chez OVH, chez Scaleway, chez Dassault, chez n'importe qui, la journée, ils font quoi? Ils vont interviewer des gens de chez Doctolib, parce que Doctolib, moi, ça m'a énervé. On a vu toute la journée sur Twitter des « Oh, mais ils sont cons, ils auraient pu le faire sur OVH, c'était facile, il y avait des VM. » Non, mais c'est bon, il y a un moment, t'as le droit de penser ça, t'as le droit de penser des conneries, on est libre. Mais à un moment, si vraiment ça t'intéresse de savoir pourquoi ils y ont été, plutôt que t'amuser juste à faire de la com sur les réseaux sociaux, tu vas la voir, tu leur demandes, et je suis sûr qu'ils seront un plaisir de te dire ce qui te manquait. Et du coup, faut qu'il y ait des gens qui passent leur temps dans les clouds français à déterminer ce qui est le plus important pour les clients, comment les clients utilisent les autres clouds, limite à faire des infras sur AWS, sur GCP, sur n'importe quoi pour se dire, tiens, ça j'ai aimé dans l'expérience, ça j'ai pas aimé, ça oui, ça, des clients l'ont réclamé plusieurs fois. Et qu'à partir de ça, ils essaient de se faire un truc basique, mais fonctionnel, le besoin, bien intégré. Voilà, mais comprendre vraiment surtout le besoin et le marché. Parce que j'ai l'impression que des fois, ils disent, il y a un besoin, mais de toute façon, on répond en partie au besoin. Oui, mais il y en a plein qui répondent largement, en fait. Alors, c'est vachement intéressant ce que tu viens de dire, parce que tu vois, si tu prends l'exemple de Doctolib, alors moi, je les appelle Jojo les 4VM. C'est-à-dire que c'est le mec qui vient sur Twitter, il a installé son blog sur Scaleway, sur 4VM. Et puis, il vient t'expliquer à toi qui gère des systèmes complexes avec des milliers de VM, des services et des contraintes pas possibles. Comment toi, t'aurais dû faire parce que lui, il aurait su. Alors, tu te dis, putain, c'est génial parce que alors, nous, direction technique, par exemple, on est plus d'une centaine. On doit être des sans abrutis. Je pense qu'on a des gens qui n'y connaissent rien. Oui. Mais on aurait dû écouter les conseils du mec qui a installé ses 4VM, qui a mis son WordPress et sa base de données MariaDB. Puis on va te faire @clevercloud. Voilà. Ouais, mais moi, j'ai mon blog sur Clever. Ça marche un peu. Moi, je les appelle Jojo les 4VM, ces gens-là. Et du coup, je voulais dire un deuxième truc que je trouve intéressant, puis je l'ai paumé. Déjà, c'est mon 4VM, j'ai envie de dire, c'est pas mal. Par contre, il y a quand même un truc que je voudrais dire sur ça, sur la qualité des clouds européens, peut-être, très rapidement. C'est qu'une offre Kubernetes, parce que je connais très, très, très, très bien Kubernetes, une offre Kubernetes comme EKS sur Amazon, très utilisée, globalement, EKS, c'est de la merde. Ah oui, l'expérience utilisateur... C'est de la merde. Par contre, c'est utilisable en prod. C'est-à-dire que c'est quand même, il y a quand même une certaine barre, je veux dire, à atteindre où voilà, c'est utilisable en prod. Il y a des réseaux privés, c'est chiffré, machin. Enfin, bref. Ça marche quand même. Mais globalement, c'est plutôt de la merde. C'est pas si compliqué que ça de faire mieux parce qu'en fait, le service, il est pourri. Je veux dire, EKS, c'est un truc qui serait possible de concurrencer avec vraiment une expertise, etc. Mais GKE, c'est bien. Alors, possible. Mais je veux dire, pour tous les gens sur Amazon, il y a plein de services cloud américains qui sont un peu pourris, je veux dire, les VPC, le peering, le routing table et tout dans Amazon, c'est une usine à gaz, moi je pète un plomb à chaque fois. Ouais, mais c'est ultra, en fait, ça répond à tous les besoins des entreprises, même si ça fait, au moins ça coche toutes les cases. Mais après, on en revient aussi à ce que tu dis, par exemple, tu vois, sur EKS, c'est qu'encore une fois, dans tous les cas, nous, si on veut un fournisseur qui fasse de l'EKS, avant ça, c'est il faut qu'il ait... Non, mais avant c'est ça, raisons privées, avant ça, ouais, il faut qu'il ait le socle compute, donc tout ce qui est VPC, IAM, log, monitoring et tout ça, qui soit propre à la base pour qu'il construise par-dessus. Et on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, il faut qu'on arrive à un fournisseur qui arrive à se dégager un socle comme ça, qui soit propre et au niveau. Et après, le reste, on s'en fout, franchement. Si moi, un fournisseur français, il me dit j'ai IAM, j'ai réseau privé, j'ai les auto-scaling groups, j'ai tout ça. En fait, si globalement, il me dit j'ai un OpenStack plus bien intégré, qui fonctionne bien avec du Terraform partout, que je doive des fois installer une VM pour installer quelque chose, je m'en bats les couilles. Mais t'as raison. Parce que là, j'ai l'essentiel. Ouais. Parce que c'est vrai que EKS, si je prends l'exemple pour connaître très bien l'offre, bah c'est vrai qu'Amazon, ça arrive déjà avec ses VPC, son IAM, son, sa gestion d'audit, des logs, et blablabla, tout ce qu'on veut, Security Group, réseau et tout. Bah, EKS, ils ont fait vraiment le minimum du minimum du minimum et c'est pourri. Peut-être je veux parce dire. Qu'ils voulaient pas concurrencer ECS. C'est un vrai sujet, mais ça sera pour un dans ton cul. Non, mais globalement, voilà, il y a même pas Metrics Server installé quand tu déploies le cluster. Il y a pas l'autoscaler qui est installé. Il y a pas. Tu dois tout faire manuellement. Mais tu peux le faire. Et surtout, la base est là, c'est-à-dire pour être voilà, les certifs, les machins, le réseau, l'IAM, l'audit, les logs, les métriques. Voilà, mais tu peux le faire. Non, mais ce qu'il y a surtout, c'est que c'est la communauté qui a, par exemple, EKSCTL, tu vois, genre, typiquement, il n'y avait pas de CLI, mais comme il y avait tout ce qu'il fallait pour le faire, c'est la communauté qui s'en est chargée. Moi, demain, si vous me faites, si un service, en effet, un OpenStack++, un truc où vraiment je peux dépendre dessus, mais genre, faire un Kubernetes as a service dans les règles de l'art, on le fera. Si jamais on peut avoir des endpoints de service branchés dans des réseaux, etc., la communauté, des gens vous le feront. En France, justement, on pourrait avoir ça. Mais de base, il faut avoir les briques de base. Créer un écosystème pour que autour de vous, des gens puissent se pluguer à vous. N'essayez pas d'être la personne, le mythe du sauveur, ce cloud provider qui un jour sauvera le monde avec toutes les features qu'il faut, etc. Non, mais il y a beaucoup de boîtes qui sont aussi comme ça, avec ce commit, le fameux commit qui un jour arrivera et magiquement arrivera à régler entièrement tous les problèmes de la prod et en plus, etc. Mais c'est vraiment ça, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir ça, de revenir à des fondamentaux. Et en effet, tous les ingénieurs qui seront passés ailleurs, etc., ils vous construiront les services qui vont bien. Après, vous pourrez même racheter leur boîte et c'est comme ça qu'on avance dans un écosystème. Et c'est important. Du coup, j'ai retrouvé ce que je voulais te dire, Thomas, tout à l'heure. Parce qu'on enregistre un peu tard, hein, donc du coup, on pique un peu du nez autour de la table. Mais j'ai retrouvé. Tout à l'heure, tu as fait une remarque qui consiste à dire « Si j'avais ça, je couvrirais 80% des besoins. » Alors, ça reprend une phrase de Yann Lechel, qui est patron de Scaleway. Tu l'as sorti au premier podcast. Ah mince. Ah, oui, d'accord, je vais pas la remettre. Avec la voiture, il y a un okay. Non, mais en fait, la voiture, le moteur. Ok, je vous comptais pas refaire de l'analogie, mais je peux la refaire. C'était la même. Non, mais ce que je voulais juste te dire, c'est que l'histoire des 80%, c'est si tes 20% ils sont critiques et ils sont vitaux, en fait, c'est pareil que zéro, quoi. Oui, mais on en revient surtout à l'histoire de, il faut, pour moi, le plus important, c'est qu'ils fournissent les briques de base et surtout ce que nous, on peut pas redévelopper derrière. Tu vois, limite, moi, je préfère qu'on me dise, j'ai un IAM, j'ai des VM, j'ai du réseau privé. Par contre, j'ai pas de base de données managée. Parce que moi, je peux installer un cluster de base de données. Si on se résume à la base minimum, tu verras que c'est effectivement, t'as raison, c'est pas énorme. C'est-à-dire que la base minimum, c'est que tu vas avoir toute la couche IaaS. Et la couche réseau, ouais, à fond. Avec la couche réseau, à fond, etc. À dire, oui. Et après, c'est comme les premiers services que tu as, c'est les bases de données managées. Mais déjà, tu as ça bien. C'est un exemple. Quoi. Non, mais tu as ça bien. Oui. Bah, effectivement, tu réponds à beaucoup de besoins. Non, mais bases de données managées, même, demain, tu n'en as pas, mais tu laisses des endpoints privés. En tout cas, sur Azure, il y a les services Link. J'entends. Genre, une boîte X ou Y si proposera ça. Si tu dois monter dans les couches de services, les premiers à faire, c'est les bases de données managées. C'était un exemple. Mais je vais quand même rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, Mickaël, c'est qu'en fait, le cloud, c'est quand même plusieurs marchés. Chaque cloud provider a sa verticalité. Et moi, j'ai un doute, en effet, sur le fait, dans 2022, sortir le produit qu'Amazon a sorti en 2008. Quoi. Je veux dire, moi, j'ai un gros doute là-dessus. Ou au final, moi, si demain je devais sortir un service SaaS ou un service cloud, j'essaierais de peut-être taper d'autres marchés, de trouver ma niche. Et d'ailleurs, il y en a d'autres qui arrivent, Vercel, Netlify, Cloudflare qui a été cité, hein, etc. Voilà, eux, fallait les sortir il y a 5 ans. Non, mais voilà. Donc maintenant, faut sortir les prochains dedans. Oui, non, mais voilà, il y a 5 ans, les GAFAM étaient déjà très bien installés sur le marché. Et ils sortent des trucs de dingue. Hein. Oui. Je veux dire, moi, j'ai ma prod chez Netlify, ma prod perso. Du Cloudflare, tout le monde l'utilise. Aussi, ouais. Je veux dire, les Cloudflare Worker, le S3 Cloudflare dans le Edge. Cloudflare, c'est des tueurs, on va se le dire. C'est de la bombe, hein. Leur Worker, le WebAssembly. Donc, ça veut dire qu'on peut concurrencer les hyperscalers. Pas forcément sur leur cœur initial, mais sur d'autres choses. C'est-à-dire qu'il est peu probable qu'on arrive à les rattraper sur le cloud, du moins ce qu'on en connaît maintenant. Mais par contre, sur aller sur d'autres marchés sur lesquels eux, ils ne sont pas allés. Pas forcément autres marchés, mais très spécifiques que tu fais très bien. Alors tout à fait, tu peux aussi choisir des domaines de spécialisation et te dire, moi, ma spécialisation, par exemple, ça va être Cube et je fais un Cube manager. Ce que fait Sivo Cloud, par exemple. Voilà, et tu le fais parfaitement bien et t'es vachement mieux que les autres. Et ça peut être aussi un axe. Hein. Ouais. Tout à fait. Et après, t'as aussi le fait de dire, je vais m'inventer mon marché du futur et je vais partir sur autre chose. Et du coup, ça sera moi la référence. Et j'en parlais tout à l'heure, mais ils sont où en France? Moi, c'est un truc qui, ça me rend un peu triste, mais les Confluent pour Kafka, les MongoDB Atlas, les Grafana, qui font Tempo, Loki, etc. The Service, qu'on parlait d'intégration continue, ouais. Les Terraform Cloud, les Elastic, GitLab, Jenkins, etc., etc. Je veux dire, et ça, c'est des trucs, il y a de la thune. Je veux dire, franchement, les boîtes, elles lâchent du pognon de dingue dans ces services-là, qui sont pas forcément des services classiques cloud, infrastructure as a service ou plateforme, mais il y a plein de services. Les boîtes lâchent de l'argent parce que ça rend un service. Ah oui, et surtout, et on veut pas du low cost. Et on revient au fait initial. C'est toi qui disais ça, je crois. On veut pas du low cost. Oui. On veut payer pour du service qui marche. On veut pas des trucs pas chers. On veut des trucs qui marchent. Mais parce qu'un dev, ça te coûte tellement cher que s'il doit perdre du temps. Imaginons. Et encore une fois, on en revient aussi à une question qui est, moi, me paraît importante, dont on n'a pas encore abordé. C'est que beaucoup de fois, le retour que je vois, c'est oui, mais regarde, si je compare le prix de ma VM chez OVH, elle est moins chère que chez AWS. On a discuté de ça, c'est voilà. Le truc qui m'horripile. Non, mais moi aussi. Et en fait, ouais. Truc très con. Mais moi, si jamais, imaginons demain, deux boîtes dans un univers parallèle qui sont une start-up qui fait de la location de X choses. Si jamais une boîte part chez OVH et une boîte, moi que chez OVH ou un autre cloud, je prends ça parce que c'est le plus connu, et une autre part sur un cloud américain, même si elle fait que de la VM, elle va devoir réinventer tellement de choses, il y a tellement de choses où elle va devoir bricoler, faire avec, comme je disais, adapter son infra du coup au fonctionnement du cloud provider, que ça va coûter beaucoup plus cher à la boîte, parce qu'au final, derrière, la personne va plus bosser, alors que peut-être que son intégration sur un autre cloud provider ira plus vite. Et encore, je parle même pas des intégrations API, Terraform, etc., qui sont, on va dire, de qualité variable selon les cloud providers. Le prix complet d'un dossier, c'est encore plus que ça. C'est-à-dire que là, tu as décrit un bout de me dire mon développeur, il va me coûter un peu de temps. Mais même ça, ce n'est qu'un petit bout du dossier. Si tu comptes dans le dossier, la formation des gens, la création de la landing zone. Enfin, tu as N éléments en fait, dans ton dossier. Par exemple, te dire, tiens, je vais mettre un bout chez OVH, c'est-à-dire que tu recrées une landing zone. Alors effectivement, si tu es une PME de 4 personnes, c'est transparent. Ça va prendre 5 minutes au seul mec qui gère ton IT, puis il a son compte à lui. Donc bon, du coup, c'est l'épaisseur du trait. Et donc là, le coût de la VM est peut-être important. Mais quand tu fais des dossiers où tu consommes l'équivalent de 1000, 2000 threads CPU, que tu as 400 personnes qui vont intervenir dessus, etc., s'il faut que tu reconstruises, tu as déjà dépensé 4 millions d'euros pour construire ta landing zone sur AWS, s'il faut que tu reconstruises ta landing zone et que tu en manages deux, le coût de management, que tu ailles former les gens à un nouveau cloud provider, etc., tout ça, c'est à prendre en compte dans la picture. Et c'est ça le prix complet de ton dossier. C'est pas combien me coûte ma VM et combien me coûte mon stockage ou mon réseau. C'est ce que je disais, c'est les services associés derrière qui vont permettre d'aller vite. On a potentiellement un sujet pour un troisième épisode possible un jour. Là, je pense qu'on est déjà quasiment à 2 heures. Fait déjà bien. Je pense qu'on a quand même balayé un peu l'infratech. Une ligne dans le truc. Une gestion des identités. Les gens peuvent y contribuer, mais on a quand même parlé un peu de tous les services dedans. On n'est pas rentré dans les détails, c'était pas forcément le but. En tout cas, clairement, on n'a pas été exhaustif de tous les cloud providers français. Oui, certains cloud providers français qu'on ne connaît peut-être même pas, qui sont là. D'ailleurs, allez, rajoutez-vous dans la liste si jamais vous pensez que vous avez des services. Attention à ce que tu proposes. Parce que sache que je crois qu'en Union européenne, on a essayé de faire un référencement. Une fois, on en a 250. C'est-à-dire si jamais des autres. Rien qu'en France, je pense que tu dépasseras au moins la. Je crois que tu dépasseras largement la cinquantaine. Mais si jamais des gens se considèrent avoir beaucoup des services qui sont nécessaires là-dedans. Advertisez-vous, montrez-vous, et vraiment, on sera content là-dedans. En tout cas, oui, on n'était pas exhaustif, oui, on est partiel, et oui, on a nos avis personnels, etc., parce que je sais que c'est quelque chose qui nous est revenu. Nous ne sommes pas journalistes, et en tout cas, nous ne le revendiquons pas là-dedans. Donc, on le fait à partir de nos expériences, de ce qu'on sait, et on ne sait pas toutes les roadmaps de chacun, et donc demain sera peut-être soumis à changer. Donc, si vous l'écoutez dans le futur, là, les auditeurs là, qui m'entendent, ne prenez pas forcément tout ce qu'on dit pour argent comptant. Peut-être que justement, tous les cloud providers se seront améliorés. Et là, aujourd'hui, au moment où vous écoutez ça, il y a quelqu'un de meilleur aujourd'hui. Et ça serait plutôt cool. Merci à tous d'être intervenus et réintervenus. Je sens que ça va encore. On va en discuter sur Twitter, donc je sais, mais au moins on est des vendus, des GAFAM, voilà. Alors je pense que là, on a des gens qui travaillent avec des GAFAM, mais indirectement, mais en tout cas je pense que la plupart on a aucune bille là-dedans. Pas d'action Amazon. Alors pour mon cas non plus, c'est-à-dire que le dernier cadeau que j'ai eu, elle est présente, alors là, pour ceux qui sont en vidéo sur place. Donc j'ai une gourde en plastique Google Cloud, quoi. Même pas en verre. Elle est même pas en verre, elle est en plastique. Donc voilà ce que on j'ai. On peut débattre sur les goodies du coup. Voilà, c'est ça à retenir. Non, mais il a des stickers NES. Ah, ça, c'est cool. Voilà. Quand on le met à l'envers. En tout cas, voilà. Bah, merci beaucoup. En tout cas, merci à Virtuo de nous avoir accueillis ici. On n'a pas demandé d'ailleurs, Virtuo, vous tournez sur quoi? Sur GCP. Ils sont sur GCP. C'est vraiment une bonne boîte tech, Virtuo. Hein. On reconnaît les connaisseurs. Simplement parce qu'ils ont des customer engineers qui sont beaucoup plus avenants et qui étaient en mode justement ouverture client, on va vous aider quoi qu'il arrive, versus d'autres qui s'étaient présentés en mode non mais t'en as pas besoin de tout ça, et c'est essentiellement ça qui a fait la différence. Bon, voilà le mot de la fin d'un client qui n'était pas du tout prévu de parler là, mais voilà, comme ça vous aurez ça. Donc voilà, bon bah on va redire encore une fois au revoir, je vais y arriver, et puis à une prochaine. Salut. Au revoir.